Gil Blas de Santillane, d'Alain René le Sage, lu par Joanne pour audiocité.net. Livre 3, chapitre 1. De l'arrivée de Gil Blas à Madrid et du premier maître qu'il servit dans cette ville. Je fis quelques séjours chez le jeune barbier. Je me joignis ensuite à un marchand de Ségovie qui passa par Olmedo. Il revenait avec 4 mules de transporter des marchandises à Valladolid et s'en retournait à Vigue. Nous fîmes connaissance sur la route et il prit tant d'amitié pour moi qu'il voulut absolument me loger lorsque nous fûmes arrivés à Ségovie. Il me retint 2 jours dans sa maison. Et quand il me vit prêt à partir pour Madrid par la voie du muletier, il me chargea d'une lettre en me priant de la rendre à main propre à son adresse sans me dire que ce fût une lettre de recommandation. Je ne manquai pas de la porter au seigneur Matteo Melendez. C'était un marchand de draps qui demeurait à la Porte du Soleil, au coin de la rue des Bahutiers. Il n'eut pas sitôt ouvert le paquet et lu ce qui était contenu dedans qu'il me dit d'un air gracieux « Seigneur Gil Blas, Pedro Palacio, mon correspondant, m'écrit en votre faveur d'une manière si pressante que je ne puis me dispenser de vous offrir un logement chez moi. De plus, il me prie de vous trouver une bonne condition. C'est une chose dont je me charge avec plaisir. Je suis persuadé qu'il ne me sera pas bien difficile de vous placer avantageusement. » J'acceptai l'offre de Melendez avec d'autant plus de joie que mes finances diminuaient à vue d'œil. Mais je ne lui fus pas longtemps à charge. Au bout de 8 jours, il me dit qu'il venait de me proposer à un cavalier de sa connaissance qui avait besoin d'un valet de chambre et que, selon toutes les apparences, ce poste ne m'échapperait pas. En effet, ce cavalier étant survenu dans le moment, « Seigneur, lui dit Melendez en me montrant, vous voyez le jeune homme dont je vous ai parlé. C'est un garçon qui a de l'honneur et de la morale. Je vous en réponds comme de moi-même. » Le cavalier me regarda fixement, dit que ma physionomie lui plaisait et qu'il me prenait à son service. « Il n'a qu'à me suivre, ajouta-t-il. Je vais l'instruire de ses devoirs. » À ces mots, il donna le bonjour au marchand et m'emmena dans la grande rue, tout devant l'église de Saint-Philippe. Nous entrâmes dans une assez belle maison dont il occupait une aile. Nous montâmes un escalier de 5 ou 6 marches, puis il m'introduisit dans une chambre fermée de 2 bonnes portes qu'il ouvrit et dont la première avait au milieu une petite fenêtre grillée. De cette chambre, nous passâmes dans une autre où il y avait un lit et d'autres meubles qui étaient plus propres que riches. Si mon nouveau maître m'avait bien considéré chez Melendez, je l'examinais à mon tour avec beaucoup d'attention. C'était un homme de 50 et quelques années qui avait l'air froid et sérieux. Il me parut d'un naturel doux et je ne jugeais point mal de lui. Il me fit plusieurs questions sur ma famille. Et satisfait de mes réponses, « Gil Blas, me dit-il, je te crois un garçon fort raisonnable. Je suis bien aise de t'avoir à mon service. De ton côté, tu seras content de ta condition. Je te donnerai par jour 6 réaux, tant pour ta nourriture et pour ton entretien que pour tes gages, sans préjudice des petits profits que tu pourras faire chez moi. D'ailleurs, je ne suis pas difficile à servir. Je ne fais point d'ordinaire, je mange en ville. Tu n'auras le matin qu'à nettoyer mes habits et tu seras libre tout le reste de la journée. Et soin seulement de te retirer le soir de bonne heure et de m'attendre à ma porte. Voilà tout ce que j'exige de toi. » Après m'avoir prescrit mon devoir, il tira de sa poche 6 réaux qu'il me donna pour commencer à garder les conventions. Nous sortîmes ensuite. Il ferma les portes lui-même et emportant les clés. « Mon ami, me dit-il, ne me suis pas. Va-t'en où il te plaira. Mais quand je reviendrai ce soir, que je te retrouve sur cet escalier. » En achevant ces paroles, il me quitta et me laissa disposer de moi comme je le jugerai à propos. « En bonne foi, Gil Blas, me dis-je alors en moi-même, tu ne pouvais trouver un meilleur maître. Quoi ? tu rencontres un homme qui, pour épousseter ses habits et faire sa chambre le matin, te donne 6 réaux par jour avec la liberté de te promener et de te divertir comme un écolier dans les vacances. Vive Dieu, il n'est point de situation plus heureuse. Je ne m'étonne plus si j'avais tant d'envie d'être à Madrid. Je pressentais sans doute le bonheur qui m'y attendait. Je passais le jour à courir les rues, en m'amusant à regarder les choses qui étaient nouvelles pour moi, ce qui ne me donna pas peu d'occupation. Le soir, quand j'eus soupé dans une auberge qui n'était pas éloignée de notre maison, je gagnai promptement le lieu où mon maître m'avait ordonné de me rendre. Il y arriva 3/4 d'heure après moi. Il parut content de mon exactitude. « Fort bien, me dit-il, cela me plaît. J'aime les domestiques attentifs à leurs devoirs. » À ces mots, il ouvrit les portes de son appartement et les referma sur nous, d'abord que nous fûmes entrés. Comme nous étions sans lumière, il prit une pierre à fusil avec de la mèche et alluma une bougie. Je l'aidai ensuite à se déshabiller. Lorsqu'il fut au lit, j'allumai par son ordre une lampe qui était dans la cheminée et j'emportai la bougie dans l'antichambre où je me couchai dans un petit lit sans rideau. Il se leva le lendemain matin entre 9 et 10 heures. J'époussetai ses habits, il me conta mes 6 réaux et me renvoya jusqu'au soir. Il sortit aussi, non sans avoir grand soin de fermer ses portes. Et nous voilà partis, l'un et l'autre, pour toute la journée. Tel était notre train de vie que je trouvais très agréable. Ce qu'il y avait de plus plaisant, c'est que j'ignorais le nom de mon maître. Mélendez ne le savait pas lui-même. Il ne connaissait ce cavalier que pour un homme qui venait quelquefois dans sa boutique et à qui, de temps en temps, il vendait du drap. Nos voisins ne purent pas mieux satisfaire ma curiosité. Ils m'assurèrent tous que mon maître leur était inconnu, bien qu'il demeurât depuis 2 ans dans le quartier. Ils me dirent qu'il ne fréquentait personne dans le voisinage. Et quelques-uns, accoutumés à tirer témérairement des conséquences, concluaient de là que c'était un personnage dont on ne pouvait porter un jugement avantageux. On alla même plus loin dans la suite. On le soupçonna d'être un espion du roi de Portugal et l'on m'avertit charitablement de prendre mes mesures là-dessus. La vie me troubla. Je me représentais que, si la chose était véritable, je courais risque de voir les prisons de Madrid. Mon innocence ne pouvait me rassurer. Mes disgrâces passées me faisaient craindre la justice. J'avais éprouvé 2 fois que, si elle ne fait pas mourir les innocents, du moins elle observe si mal à leur égard les lois de l'hospitalité, qu'il est toujours fort triste de faire quelques séjours chez elle. Je consultai Mélendez dans une conjoncture si délicate. Il ne savait quel conseil me donner. S'il ne pouvait croire que mon maître fût un espion, il n'avait pas lieu non plus d'être ferme sur la négative. Je résolus d'observer le patron et de le quitter si je m'apercevais que ce fût effectivement un ennemi de l'État. Mais il me sembla que la prudence et l'agrément de ma condition demandaient que je fusse bien sûr de mon fait. Je commençai donc à examiner ses actions, et pour le sonder, « Monsieur, lui dis-je un soir en le déshabillant, je ne sais comment il faut vivre pour se mettre à couvert des coups de langue. Le monde est bien méchant. Nous avons, entre autres, des voisins qui ne valent pas le diable, les mauvais esprits. Vous ne devineriez jamais de quelle manière ils parlent de nous. « Bon, Gil Blas, me répondit-il, et qu'en peuvent-ils dire, mon ami ?» « Ah, vraiment, repris-je, la médisance ne manque point de matière. La vertu même lui fournit des traits. Nos voisins disent que nous sommes des gens dangereux, que nous méritons l'attention de la cour. En un mot, vous passez ici pour un espion du roi de Portugal. » En prononçant ces paroles, j'envisageai mon maître, comme Alexandre regarda son médecin, et j'employai toute ma pénétration à démêler l'effet que mon rapport produisait en lui. Je crus remarquer dans mon patron un frémissement qui s'accordait fort avec les conjectures du voisinage, et je le vis tomber dans une rêverie que je n'expliquais point favorablement. Il se remit pourtant de son trouble et me dit d'un air assez tranquille. « Gil Blas, laissons raisonner nos voisins, sans faire dépendre notre repos de leur raisonnement. Ne nous mettons point en peine de l'opinion qu'on a de nous, quand nous ne donnons pas sujet d'en avoir une mauvaise. » Il se coucha là-dessus et je fis la même chose, sans savoir à quoi je devais m'en tenir. Le jour suivant, comme nous nous disposions le matin à sortir, nous entendîmes frapper rudement à la première porte sur l'escalier. Mon maître ouvrit l'autre et regarda par la petite fenêtre grillée. Il vit un homme bien vêtu qui lui dit « Seigneur cavalier, je suis alguazil et je viens ici pour vous dire que monsieur le corégidor souhaite de vous parler. » « Que me veut-il ? » répondit mon patron. « C'est ce que j'ignore, seigneur, » répliqua l'alguazil. « Mais vous n'avez qu'à l'aller trouver et vous en serez bientôt instruit. »« Je suis son serviteur, » repartit mon maître. « Je n'ai rien à démêler avec lui. » En achevant ces mots, il referma brusquement la seconde porte. Puis, s'étant promené quelque temps comme un homme à qui, ce me semblait, le discours de l'alguazil donnait beaucoup à penser, il me mit en main mes ciréos et me dit « Gil Blas, tu peux sortir, mon ami. Pour moi, je ne sortirai pas si tôt et je n'ai pas besoin de toi ce matin. » Il me fit juger par ses paroles qu'il avait peur d'être arrêté et que cette crainte l'obligeait à demeurer dans son appartement. Je l'y laissai. Et pour voir si je me trompais dans mes soupçons, je me cachai dans un endroit d'où je pouvais le reluquer s'il sortait. J'aurais eu la patience de me tenir là toute la matinée, s'il ne m'en eût épargné la peine. Mais une heure après, je le vis marcher dans la rue avec un air d'assurance qui confondit d'abord ma pénétration. Loin de me rendre toutefois à ses apparences, je m'en défiais, car il n'avait point en moi un juge favorable. Je songeais que son allure pouvait fort bien être composée. Je m'imaginais même qu'il n'était resté chez lui que pour prendre tout ce qu'il avait d'or ou de pierrerie, et que, probablement, il allait, par une prompte fuite, pourvoir à sa sûreté. Je n'espérais plus de le revoir, et je doutais si j'irais le soir l'attendre à sa porte, tant j'étais persuadée que, dès ce jour-là, il sortirait de la ville pour se sauver du péril qui le menaçait. Je n'y manquais pas, pourtant. Ce qui me surprit, mon maître revint à son ordinaire. Il se coucha sans faire paraître la moindre inquiétude et il se leva le lendemain avec autant de tranquillité. Comme il achevait de s'habiller, on frappa tout à coup à la porte. Mon maître regarda par la petite grille. Il reconnaît l'alguazil du jour précédent et lui demande ce qu'il veut. « Ouvrez !» lui répond l'alguazil. « C'est monsieur le corégidor !» À ce nom redoutable, mon sang se glaça dans mes veines. Je craignais diablement ces messieurs-là depuis que j'avais passé par leurs mains, et j'aurais voulu, dans ce moment, être à 100 lieues de Madrid. Pour mon patron, moins effrayé que moi, il ouvrit la porte et reçut le juge avec respect. « Vous voyez, lui dit le corégidor, que je ne viens point chez vous avec une grosse suite. Je veux faire les choses sans éclat. Malgré les bruits fâcheux qui courent de vous dans la ville, je crois que vous méritez quelques ménagements. Apprenez-moi comment vous vous appelez et ce que vous faites à Madrid. » Seigneur, lui répondit mon maître, je suis de la Castille Nouvelle et je me nomme Don Bernard de Castilblason. À l'égard de mes occupations, je me promène, je fréquente les spectacles et je me réjouis tous les jours avec un petit nombre de personnes d'un commerce agréable. « Vous avez, sans doute, reprit le juge, un gros revenu. »« Non, seigneur, interrompit mon patron, je n'ai ni rente, ni terre, ni maison. »« Et de quoi vivez-vous donc ? » répliqua le corégidor. « De ce que je vais vous faire voir, » repartit Don Bernard. En même temps, il leva une tapisserie, ouvrit une porte que je n'avais pas remarquée, puis encore une autre qui était derrière, et fit entrer le juge dans un cabinet où il y avait un grand coffre tout rempli de pièces d'or qu'il lui montra. « Seigneur, lui dit-il ensuite, vous savez que les Espagnols sont ennemis du travail. Cependant, quelque aversion qu'ils aient pour la peine, je puis dire que je renchéris sur eux là-dessus. J'ai un fond de paresse qui me rend incapable de tout emploi. Si je voulais ériger mes vices en vertus, j'appellerais ma paresse une indolence philosophique. Je dirais que c'est l'ouvrage d'un esprit revenu de tout ce qu'on recherche dans le monde avec ardeur. Mais j'avouerai de bonne foi que je suis paresseux par tempérament. Et si paresseux que, s'il me fallait travailler pour vivre, je crois que je me laisserais mourir de faim. Ainsi, pour mener une vie convenable à mon humeur, pour n'avoir pas la peine de ménager mon bien, et plus encore pour me passer d'intendant, j'ai converti en argent comptant tout mon patrimoine, qui consistait en plusieurs héritages considérables. Il y a dans ce colis 50 000 ducats. C'est plus qu'il ne m'en faut pour le reste de mes jours, quand je vivrai au-delà d'un siècle, puisque je n'en dépense pas 1 000 chaque année, et que j'ai déjà passé mon 10e lustre. Je ne crains donc point l'avenir, parce que je ne suis adonné, grâce au ciel, à aucune des trois choses qui ruinent ordinairement les hommes. J'aime peu la bonne chère. Je ne joue que pour m'amuser, et je suis revenu des femmes. Je n'appréhende point que, dans ma vieillesse, on me compte parmi ces barbons voluptueux à qui les coquettes vendent de leur bonté au pot de l'or. Que je vous trouve heureux, lui dit alors le corégidor. On vous soupçonne bien mal à propos d'être un espion. Ce personnage ne convient point à un homme de votre caractère. Allez, don Bernard, ajouta-t-il, continuez de vivre comme vous vivez. Loin de vouloir troubler vos jours tranquilles, je m'en déclare le défenseur. Je vous demande votre amitié et vous offre la mienne. Ah, Seigneur, s'écria mon maître, pénétré de ces paroles obligeantes, j'accepte avec autant de joie que de respect l'offre précieuse que vous me faites. En me donnant votre amitié, vous augmentez mes richesses et mettez le comble à mon bonheur. Après cette conversation, que l'alguazil et moi nous entendîmes de la porte du cabinet, le corégidor prit congé de Don Bernard, qui ne pouvait assez à son gré lui marquer de reconnaissance. De mon côté, pour seconder mon maître et l'aider à faire les honneurs de chez lui, j'accablai de civilité l'alguazil. Je lui fis 1 000 révérences profondes, quoique, dans le fond de mon âme, je sentisse pour lui le mépris et l'aversion que tout honnête homme a naturellement pour un alguazil. Livre 3, chapitre 2. De l'étonnement où fut Gil Blas de rencontrer à Madrid le capitaine Rolando et des choses curieuses que ce voleur lui raconta. Don Bernard de Castilblazo, après avoir conduit le corégidor jusque dans la rue, revint vite sur ses pas, fermait son coffre-fort et toutes les portes qui en faisaient la sûreté. Puis nous sortîmes, l'un et l'autre très satisfaits, lui de s'être acquis un ami puissant et moi de me voir assuré de mes 6 réaux par jour. L'envie de conter cette aventure à Melendez me fit prendre le chemin de sa maison. Mais comme j'étais près d'y arriver, j'aperçus le capitaine Rolando. Ma surprise fut extrême de le retrouver là, et je ne pus m'empêcher de frémir à sa vue. Il me reconnut aussi, m'aborda gravement, et conservant encore son air de supériorité, il m'ordonna de le suivre. J'obéis en tremblant et dis en moi-même, « Hélas, il veut sans doute me faire payer tout ce que je lui dois. Où va-t-il me mener ? Il a peut-être dans cette ville quelques souterrains. Malepeste ! Si je le croyais, je lui ferais voir tout à l'heure que je n'ai pas la goutte aux pieds. » Je marchai donc derrière lui, en donnant toute mon attention au lieu où il s'arrêterait, résolu à m'en éloigner à toutes jambes pour peu qu'il me parût suspect. Rolando dissipa bientôt ma crainte. Il entra dans un fameux cabaret. Je l'y suivis. Il demanda du meilleur vin et dit à l'hôte de nous préparer à dîner. Pendant ce temps-là, nous passâmes dans une chambre où le capitaine, se voyant seul avec moi, me tint ce discours. « Tu dois être étonné, Gil Blas, de revoir ici ton ancien commandant. Et tu le seras bien davantage encore quand tu sauras ce que j'ai à te raconter. » Le jour que je te laissai dans le souterrain et que je partis avec tous mes cavaliers pour aller vendre à Mansilla les mules et les chevaux que nous avions pris le soir précédent, nous rencontrâmes le fils du corégidor de Léon, accompagné de 4 hommes à cheval et bien armés, qui suivaient son carrosse. Nous fîmes mordre la poussière à 2 de ses gens et les 2 autres s'enfuirent. Alors le cocher, craignant pour son maître, nous cria d'une voix suppliante « Eh, mes chers seigneurs, au nom de Dieu, ne tuez point le fils unique de monsieur le corégidor de Léon !» Ces mots n'attendrirent pas mes cavaliers. Au contraire, ils leur inspirèrent une espèce de fureur. « Messieurs, nous dit l'un d'entre eux, ne laissons point échapper le fils d'un mortel ennemi de nos pareils. Combien son père a-t-il fait mourir de gens de notre profession? Vengeons-les, immolons cette victime à leur manne. » Mes autres cavaliers applaudirent à ce sentiment et mon lieutenant même se préparait à servir de grand prêtre dans ce sacrifice lorsque je lui retins le bras. « Arrêtez, lui dis-je, pourquoi sans nécessité vouloir répandre du sang? Contentons-nous de la bourse de ce jeune homme. Puisqu'il ne résiste point, il y aurait de la barbarie à l'égorger. D'ailleurs, il n'est point responsable des actions de son père, et son père ne fait que son devoir lorsqu'il nous condamne à la mort, comme nous faisons le nôtre en détroussant les voyageurs. » J'intercédai donc pour le fils du corégidor, et mon intercession ne lui fut pas inutile. Nous prîmes seulement tout l'argent qu'il avait, et nous emmenâmes les chevaux des 2 hommes que nous avions tués. Nous les vendîmes avec ceux que nous conduisions à Mansilla. Nous nous en retournâmes ensuite au souterrain, où nous arrivâmes le lendemain, quelques moments avant le jour. Nous ne fûmes pas peu surpris de trouver la trappe levée, et notre surprise devint encore plus grande lorsque nous vîmes dans la cuisine Léonarde liée. Elle nous mit au fait en 2 mots. « Nous admirâmes comment tu avais pu nous tromper. Nous ne t'aurions jamais cru capable de nous jouer un si bon tour. Et nous te le pardonnâmes à cause de l'invention. » Dès que nous eûmes détaché la cuisinière, je lui donnai ordre de nous apprêter bien à manger. Cependant, nous allâmes soigner nos chevaux à l'écurie, où le vieux nègre, qui n'avait reçu aucun secours depuis 24 heures, était à l'extrémité. Nous souhaitions de le soulager, mais il avait perdu connaissance. Il nous parut si bas que, malgré notre bonne volonté, nous laissâmes ce pauvre diable entre la vie et la mort. Cela ne nous empêcha pas de nous mettre à table, et après avoir amplement déjeuné, nous nous retirâmes dans nos chambres où nous reposâmes toute la journée. À notre réveil, Léonarde nous apprit que Domingo ne vivait plus. Nous le portâmes dans le caveau où tu dois te souvenir d'avoir couché. Et là, nous lui fîmes des funérailles, comme s'il eût eu l'honneur d'être un de nos compagnons. 5 ou 6 jours après, il arriva que, voulant faire une course, nous rencontrâmes un matin, à la sortie du bois, 3 brigades d'archers de la Sainte Hermanda, qui semblaient nous attendre pour nous charger. Nous n'en aperçûmes d'abord qu'une. Nous la méprisâmes, bien que supérieure en nombre à notre troupe, et nous l'attaquâmes. Mais dans le temps que nous étions aux mains avec elle, les 2 autres, qui avaient trouvé moyen de se tenir cachés, vinrent tout à coup fondre sur nous, de sorte que notre valeur ne nous servit de rien. Il fallut céder à tant d'ennemis. Notre lieutenant et 2 de nos cavaliers périrent dans cette occasion. Les 2 autres et moi, nous fûmes enveloppés et serrés de si près que les archers nous prirent. Et tandis que 2 brigades nous conduisaient à Léon, la 3e alla détruire notre retraite, qui avait été découverte de la manière que je vais te le dire. Un paysan de Lucène, en traversant la forêt pour s'en retourner chez lui, aperçut par hasard la trappe de notre souterrain que tu n'avais pas abattue, car c'était justement le jour que tu en sortis avec la dame. Il se douta bien que c'était notre demeure. Il n'eut pas le courage d'y entrer. Il se contenta d'observer les environs. Et pour mieux remarquer l'endroit, il écorça légèrement avec son couteau quelques arbres voisins et d'autres encore, de distance en distance, jusqu'à ce qu'il fût hors du bois. Il se rendit ensuite à Léon pour faire part de cette découverte au corégidor, qui en eut d'autant plus de joie que son fils venait d'être volé par notre compagnie. Ce juge fit assembler 3 brigades pour nous arrêter et le paysan leur servit de guide. Mon arrivée dans la ville de Léon y fut un spectacle pour tous les habitants. Quand j'aurais été un général portugais fait prisonnier de guerre, le peuple ne se serait pas plus empressé de me voir. « Le voilà, disait-on, le voilà, ce fameux capitaine, la terreur de cette contrée. Il mériterait d'être démembré avec des tenailles, de même que ses 2 camarades. » On nous mena devant le corregidor qui commença de m'insulter. « Eh bien, me dit-il, scélérat, le ciel, là des désordres de ta vie, t'abandonne à ma justice ?»« Seigneur, lui répondis-je, si j'ai commis bien des crimes, du moins je n'ai pas la mort de votre fils unique à me reprocher. J'ai conservé ses jours. Vous m'en devez quelque reconnaissance. »« Oh, misérable ! » s'écria-t-il. « C'est bien avec des gens de ton caractère qu'il faut garder un procédé généreux. » Et quand même je voudrais te sauver, le devoir de ma charge ne me le permettrait pas. » Lorsqu'il eut parlé de cette sorte, il nous fit enfermer dans un cachot où il ne laissa pas languir mes compagnons. Ils en sortirent au bout de 3 jours pour aller jouer un rôle tragique dans la grande place. Pour moi, je demeurai dans les prisons 3 semaines entières. Je crus qu'on ne différait mon supplice que pour le rendre plus terrible. Et je m'attendais enfin à un genre de mort tout nouveau, quand le corregidor, m'ayant fait ramener en sa présence, me dit « Écoute ton arrêt, tu es libre. Sans toi, mon fils unique aurait été assassiné sur les grands chemins. Comme père, j'ai voulu reconnaître ce service. Et comme juge, ne pouvant t'absoudre, j'ai écrit à la cour en ta faveur. J'ai demandé ta grâce et je l'ai obtenue. Va donc où il te plaira. « Mais, ajouta-t-il, crois-moi, profite de cet heureux événement. Rentre en toi-même et quitte pour jamais le brigandage. » Je fus pénétré de ces paroles et je pris la route de Madrid dans la résolution de faire une fin et de vivre doucement dans cette vie. J'y ai trouvé mon père et ma mère morts et leur succession entre les mains d'un vieux parent qui m'en a rendu un compte fidèle, comme font tous les tuteurs. Je n'en ai pu tirer que 3000 ducats, ce qui peut-être ne fait pas la 4e partie de mon bien. Mais que faire à cela? Je ne gagnerai rien à le chicaner. Pour éviter l'oisiveté, j'ai acheté une charge d'alguazil. Mes confrères se seraient, par bienséance, opposés à ma réception s'ils eussent su mon histoire. Heureusement, ils l'ignorent ou feignent de l'ignorer. Ce qui est la même chose. Car dans cet honorable corps, chacun a intérêt à de cacher ses faits et gestes. On n'a, Dieu merci, rien à se reprocher les uns aux autres. Au diable soit le meilleur. Cependant, mon ami, continua Rolando, je veux te découvrir ici le fond de mon âme. La profession que j'ai embrassée n'est guère de mon goût. Elle demande une conduite trop délicate et trop mystérieuse. On n'y saurait faire que des tromperies secrètes et subtiles. Oh, je regrette mon premier métier. J'avoue qu'il y a plus de sûreté dans le nouveau, mais il y a plus d'agrément dans l'autre, et j'aime la liberté. J'ai bien la mine de me défaire de ma charge et de partir un beau matin pour aller gagner les montagnes qui sont aux sources du Tage. Je sais qu'il y a dans cet endroit une retraite habitée par une troupe nombreuse et remplie de sujets catalans. C'est faire son éloge en un mot. Si tu veux m'accompagner, nous irons grossir le nombre de ces grands hommes. Je serai dans leur compagnie capitaine en second. Et pour t'y faire recevoir avec agrément, j'assurerai que je t'ai vu 10 fois combattre à mes côtés. J'élèverai ta valeur jusqu'aux nues. Je dirai plus de bien de toi qu'un général n'en dit d'un officier qu'il veut avancer. Je me garderai bien de dire la supercherie que tu as faite. Cela te rendrait suspect. Je tairai l'aventure. Eh bien, ajouta-t-il, es-tu prêt à me suivre? J'attends ta réponse. Chacun a ses inclinations, dis-je alors à Rolando. Vous êtes né pour les entreprises hardies et moi pour une vie douce et tranquille. Je vous entends, interrompit-il. La dame que l'amour vous a fait enlever vous tient encore au cœur. Et sans doute vous menez avec elle à Madrid cette vie douce que vous aimez. Avouez, monsieur Gil Blas, que vous l'avez mise dans ses meubles et que vous mangez ensemble les pistoles que vous avez emportées du souterrain. Je lui dis qu'il était dans l'erreur et que, pour le désabuser, je voulais en dînant lui conter l'histoire de la dame. Ce que je fis effectivement. Et je lui appris aussi tout ce qui m'était arrivé depuis que j'avais quitté la troupe. Sur la fin du repas, il me remit encore sur les sujets catalans. Il m'avoua même qu'il avait résolu de les aller joindre et fit une nouvelle tentative pour m'engager à prendre le même parti. Mais voyant qu'il ne pouvait me persuader, il me regarda d'un air fier et me dit fort sérieusement « Puisque tu as le cœur assez bas pour préférer ta condition servile à l'honneur d'entrer dans une compagnie de braves gens, je t'abandonne à la bassesse de tes inclinations. Mais écoute bien les paroles que je vais te dire, qu'elles demeurent gravées dans ta mémoire. Oublie que tu m'as rencontré aujourd'hui et ne t'entretiens jamais de moi avec personne. Car si j'apprends que tu me mêles dans tes discours, tu me connais. Je ne t'en dis pas davantage. » À ces mots, il appela l'hôte, paya l'écho et nous nous levâmes de table pour nous en aller. Livre 3, chapitre 3. Il sort de chez Don Bernard de Castilblazo et va servir un petit maître. Comme nous sortions du cabaret et que nous prenions congé l'un de l'autre, mon maître passa dans la rue. Il me vit et je m'aperçus qu'il regarda plus d'une fois le capitaine. Je jugeai qu'il était surpris de me rencontrer avec un semblable personnage. Il est certain que la vue de Rolando ne prévenait point en faveur de ses mœurs. C'était un homme fort grand. Il avait le visage long avec un nez de perroquet. Et quoiqu'il n'eût pas mauvaise mine, il ne laissait pas d'avoir l'air d'un franc fripon. Je ne m'étais point trompé dans mes conjectures. Le soir, je trouvai Don Bernard occupé de la figure du capitaine et très disposé à croire toutes les belles choses que je lui en aurais pu dire si j'eusse osé parler. « Gil Blas, me dit-il, qui est ce grand escogriffe que j'ai vu tantôt avec toi ?» Je répondis que c'était un alguazil et je m'imaginais que, satisfait de cette réponse, il en demeurerait là. Mais il me fit bien d'autres questions. Et comme je lui parus embarrassé, parce que je me souvenais des menaces de Rolando, il rompit tout à coup la conversation et se coucha. Le lendemain matin, lorsque je lui eus rendu mes services ordinaires, il me conta 6 ducats au lieu de 6 réaux et me dit « Tiens, mon ami, voilà ce que je te donne pour m'avoir servi jusqu'à ce jour. Va chercher une autre maison. Je ne puis m'accommoder d'un valet qui a de si belles connaissances. » Je m'avisai de lui représenter, pour ma justification, que je connaissais cet alguazil pour lui avoir fourni certains remèdes à Valladolid dans le temps que j'y exerçais la médecine. « Fort bien, reprit mon maître, la défaite est ingénieuse. Tu devais me répondre cela hier au soir et non pas te troubler. » « Monsieur, lui repartis-je, en vérité, je n'osais vous le dire par discrétion. C'est ce qui a causé mon embarras. » « Certes, répliqua-t-il en me frappant doucement sur l'épaule, c'est être bien discret. Je ne te croyais pas si rusé. Va, mon enfant, je te donne ton congé. » J'allai sur le champ apprendre cette mauvaise nouvelle à Méléndez, qui me dit, pour me consoler, qu'il prétendait me faire entrer dans une meilleure maison. En effet, quelques jours après, il me dit « Gil Blas, mon ami, vous ne vous attendez pas au bonheur que j'ai à vous annoncer. Vous aurez le poste du monde le plus agréable. Je vais vous mettre auprès de Don Matias da Silva. C'est un homme de la première qualité, un de ces jeunes seigneurs qu'on appelle petit maître. J'ai l'honneur d'être son marchand. Il prend chez moi des étoffes, à crédit, à la vérité. Mais il n'y a rien à perdre avec ces seigneurs. Ils épousent souvent de riches héritières qui payent leurs dettes. Et quand cela n'arrive pas, un marchand qui entend son métier leur vend toujours si cher qu'il se sauve en ne touchant même que le quart de ses parties. L'intendant de Don Mathias, poursuivit-il, est mon intime ami. Allons le trouver. Il doit vous présenter lui-même à son maître et vous pouvez compter qu'à ma considération, il aura beaucoup d'égards pour vous. Comme nous étions en chemin pour nous rendre à l'hôtel de Don Mathias, le marchand me dit « Il est à propos, ce me semble, que je vous apprenne de quel caractère est l'intendant. Il s'appelle Gregorio Rodriguez. Entre nous, c'est un homme de rien, qui, se sentant né pour les affaires, a suivi son génie et s'est enrichi dans deux maisons ruinées dont il a été l'intendant. Je vous avertis qu'il est fort vain. Il aime avoir rampé devant lui les autres domestiques. C'est à lui qu'ils doivent d'abord s'adresser quand ils ont la moindre grâce à demander à leur maître. Car s'il arrive qu'il l'ait obtenu sans sa participation, il a toujours des détours tout prêts pour faire révoquer la grâce ou pour la rendre inutile. Réglez-vous sur cela, Gil Blas. Faites votre cour au seigneur Rodriguez, préférablement à votre maître même, et mettez tout en usage pour lui plaire. Son amitié vous sera d'une grande utilité. Il vous paiera vos gages exactement, et si vous êtes assez adroit pour gagner sa confiance, il pourra vous donner quelques petites os à ronger. Il en a tant. Don Mathias est un jeune seigneur qui ne songe qu'à ses plaisirs et qui ne veut prendre aucune connaissance de ses propres affaires. Quelle maison pour un intendant! Lorsque nous fûmes arrivés à l'hôtel, nous demandâmes à parler au seigneur Rodriguez. On nous dit que nous le trouverions dans son appartement. Il y était, et nous vîmes avec lui une manière de paysan qui tenait un sac de toile bleue rempli d'espèces. L'intendant, qui me parut plus pâle et plus jaune qu'une fille fatiguée du célibat, vint au devant de Mélendez en lui tendant les bras. Le marchand, de son côté, ouvrit les siens, et ils s'embrassèrent tous deux avec des démonstrations d'amitié où il y avait pour le moins autant d'art que de naturel. Après cela, il fut question de moi. Rodriguez m'examina depuis les pieds jusqu'à la tête. Puis il me dit fort poliment que j'étais tel qu'il fallait être pour convenir à Don Mathias et qu'il se chargeait avec plaisir de me présenter à ce seigneur. Là-dessus, Mélendez fit connaître jusqu'à quel point il s'intéressait pour moi. Il prit à l'intendant de m'accorder sa protection et, me laissant avec lui après force compliments, il se retira. Dès qu'il fut sorti, Rodriguez me dit « Je vous conduirai à mon maître, d'abord que j'aurai expédié ce bon laboureur. » Aussitôt, il s'approcha du paysan et lui prenant son sac. « Talego, lui dit-il, voyons si les 500 pistoles sont là-dedans. » Il compta lui-même les pièces. Il trouva le compte juste, donna quittance de la somme au laboureur et le renvoya. Il remit ensuite les espèces dans le sac. Alors il s'adresse à moi. « Nous pouvons présentement, me dit-il, aller au lever de mon maître. Il sort du lit ordinairement sur le midi. Il est près d'une heure. Il doit être jour dans son appartement. » Don Mathias venait en effet de se lever. Il était encore en robe de chambre et renversé dans un fauteuil, sur un bras duquel il avait une jambe étendue, il se balançait en râpant du tabac. Il s'entretenait avec un laquais qui, remplissant par intérim l'emploi du valet de chambre, se tenait là tout prêt à le servir. « Seigneur, lui dit l'intendant, voici un jeune homme que je prends la liberté de vous présenter pour remplacer celui que vous chassâtes avant-hier. » Mélendez, votre marchand, en répond. Il assure que c'est un garçon de mérite et je crois que vous en serez fort satisfait. C'est assez, répondit le jeune seigneur. Puisque c'est vous qui le produisez auprès de moi, je le reçois aveuglément à mon service. Je le fais mon valet de chambre. C'est une affaire finie. Rodriguez, ajouta-t-il, parlons d'autre chose. Vous arrivez à propos. J'allais vous envoyer chercher. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, mon cher Rodriguez. J'ai joué de malheur cette nuit. Avec 100 pistoles que j'avais, J'en ai encore perdu 200 sur ma parole. Vous savez de quelles conséquences il est, pour des personnes de condition, de s'acquitter de cette sorte de dette. C'est proprement la seule que le point d'honneur nous oblige à payer avec exactitude. Aussi ne payons-nous pas les autres religieusement. Il faut donc trouver 200 pistoles tout à l'heure et les envoyer à la comtesse de Pedrosa. Monsieur, dit l'intendant, cela n'est pas si facile à dire qu'à exécuter. Où voulez-vous, s'il vous plaît, que je prenne cette somme ? Je ne touche pas un maravédi de vos fermiers, quelque menace que je puisse leur faire. Cependant, il faut que j'entretienne honnêtement votre domestique et que je sue sang et eau pour fournir à votre dépense. Il est vrai que jusqu'ici, grâce au ciel, j'en suis venu à bout, mais je ne sais plus à quelle somme me vouer. Je suis réduit à l'extrémité. Tous ces discours sont inutiles, interrompit Don Mathias, et ces détails ne font que m'ennuyer. Ne prétendez-vous pas, Rodriguez, que je change de conduite et que je m'amuse à prendre soin de mon bien ? L'agréable amusement pour un homme de plaisir comme moi. Patience, répliqua l'intendant. Au train que vont les choses, je prévois que vous serez bientôt débarrassé pour toujours de ce soin-là. Vous me fatiguez, repartit brusquement le jeune seigneur. Vous m'assassinez. Laissez-moi me ruiner sans que je m'en aperçoive. Il me faut, vous dis-je, 200 pistoles. Il me les faut. Je vais donc, dit Rodriguez, avoir recours au petit vieillard qui vous a déjà prêté de l'argent à grosse usure. Ayez recours, si vous voulez, au diable, répondit Don Mathias. Pourvu que j'aie 200 pistoles, je ne me soucie pas du reste. Dans le moment qu'il prononçait ces mots d'un air brusque et chagrin, l'intendant sortit et un jeune homme de qualité, nommé Don Antonio Saint-Hélès, entra. Qu'as-tu, mon ami ? Dit ce dernier à mon maître. Je te trouve l'air nébuleux. Je vois sur ton visage une impression de colère. Qui peut t'avoir mis de mauvaise humeur ? Je vais parier que c'est ce maroufle qui sort. Oui, répondit Don Mathias, c'est mon intendant. Toutes les fois qu'il vient me parler, il me fait passer quelques mauvais quarts d'heure. Il m'entretient de mes affaires. Il dit que je mange le fond de mes revenus. L'animal, ne dirait-on pas qu'il y perd, lui ? « Mon enfant, reprit Don Antonio, je suis dans le même cas. J'ai un homme d'affaires qui n'est pas plus raisonnable que ton intendant. Quand le faquin, pour obéir à mes ordres réitérés, m'apporte de l'argent, il semble qu'il donne du sien. Il me fait de grands raisonnements. « Monsieur, me dit-il, vous vous abîmez, vos revenus sont saisis. Je suis obligé de lui couper la parole pour abréger ses sots discours. » Le malheur, dit Don Mathias, c'est que nous ne saurions nous passer de ces gens-là. C'est un mal nécessaire. J'en conviens, répliqua Saint-Hélès. Mais attends, poursuivit-il en riant de toute sa force, il me vient une idée assez plaisante. Rien n'a jamais été mieux imaginé. Nous pouvons rendre comiques les scènes sérieuses que nous avons avec eux et nous divertir de ceux qui nous chagrinent. Écoute. Il faut que ce soit moi qui demande à ton intendant tout l'argent dont tu auras besoin. Tu en useras de même avec mon homme d'affaires. Qu'ils raisonnent alors tous deux tant qu'il leur plaira. Nous les écouterons de sang-froid. Ton intendant viendra me rendre ses comptes. Mon homme d'affaires te rendra les siens. Je n'entendrai parler que de tes dissipations. Tu ne verras que les miennes. Cela nous réjouira. 1000 traits brillants suivirent cette saillie et mirent en joie les jeunes seigneurs, qui continuèrent de s'entretenir avec beaucoup de vivacité. Leur conversation fut interrompue par Gregorio Rodriguez, qui rentra, suivi d'un petit vieillard qui n'avait presque point de cheveux, tant il était chaud. Don Antonio voulut s'en aller. « Adieu, Don Mathias, dit-il. Nous nous reverrons tantôt. Je te laisse avec ces messieurs. Vous avez sans doute quelque affaire sérieuse à démêler ensemble. » « Eh non, non, lui répondit mon maître, demeure, tu n'es point de trop. Ce discret vieillard que tu vois est un honnête homme qui me prête de l'argent au denier 5. »« Comment, au denier 5 ?» s'écria Saint-Hélès d'un air étonné. « Vive Dieu, je te félicite d'être en si bonne main. Je ne suis pas traité si doucement, moi. J'achète l'argent au poids de l'or. J'emprunte d'ordinaire au denier 3. » Quelle usure ! Dit alors le vieil usurier. Les fripons ! Songe-t-il qu'il y a un autre monde ? Je ne suis plus surpris si l'on déclame tant contre les personnes qui prêtent à intérêt. C'est le profit exorbitant que quelques-uns tirent de leurs espèces qui nous perdent d'honneur et de réputation. Si tous mes confrères me ressemblaient, nous ne serions pas si décriés. Car pour moi, je ne prête uniquement que pour faire plaisir au prochain. Ah, si le temps était aussi bon que je l'ai vu autrefois, je vous offrirais ma bourse sans intérêt. Et peu s'en faut même, quelle que soit aujourd'hui la misère, que je ne me fasse un scrupule de prêter au denier 5. Mais on dirait que l'argent est rentré dans le sein de la terre. On n'en trouve plus, et sa rareté oblige enfin ma morale à se relâcher. De combien avez-vous besoin ? Poursuivit-il en s'adressant à mon maître. Il me faut 200 pistoles, répondit Don Mathias. J'en ai 400 dans un sac, répliqua l'usurier. Il n'y a qu'à vous en donner la moitié. En même temps, il tira de dessous son manteau un sac de toile bleue qui me parut être le même que le paysan Talego venait de laisser avec 500 pistoles à Rodriguez. Je sus bientôt ce qu'il en fallait penser. Et je vis bien que Méléndez ne m'avait pas vanté sans raison le savoir-faire de cet intrépide. Le vieillard vida le sac, étala les espèces sur une table et se mit à les compter. Cette vue alluma la cupidité de mon maître. Il fut frappé de la totalité de la somme. « Seigneur d'Escomulgado, dit-il à l'usurier, je fais une réflexion judicieuse. Je suis un grand sot. Je n'emprunte que ce qu'il faut pour dégager ma parole. » Sans songer que je n'ai pas le sou, je serai obligé demain de recourir encore à vous. Je suis d'avis de rafler les 400 pistoles pour vous épargner la peine de revenir. Seigneur, répondit le vieillard, je destinais une partie de cet argent à un bon licencié qui a de gros héritages, qu'il emploie charitablement à retirer du monde de petites filles et à meubler leur retraite. Mais puisque vous avez besoin de la somme entière, elle est à votre service. Vous n'avez seulement qu'à songer aux assurances. Oh, pour les assurances, interrompit Rodriguez en tirant de sa poche un papier, vous en aurez de bonnes. Voilà un billet que le seigneur Don Mathias n'a qu'à signer. Il vous donne 500 pistoles à prendre sur un de ses fermiers, sur Talego, riche laboureur de Mondejar. Cela est bon, répliqua l'usurier, je ne fais point le difficultueux, moi. Alors l'intendant présenta une plume à mon maître, qui, sans lire le billet, écrivit en sifflant son nom au bas. Cette affaire consommée, le vieillard dit adieu à mon patron, qui courut l'embrasser en lui disant « Jusqu'au revoir, seigneur usurier, je suis tout à vous. Je ne sais pas pourquoi vous passez, vous autres, pour des fripons. Je vous trouve très nécessaire à l'État. Vous êtes la consolation de 1000 enfants de famille et la ressource de tous les seigneurs dont la dépense excède les revenus. Tu as raison, s'écria Saint-Hélès. Les usuriers sont d'honnêtes gens qu'on ne peut assez honorer, et je veux à mon tour embrasser celui-ci à cause du denier 5. À ces mots, il s'approcha du vieillard pour l'accoler, et ses deux petits maîtres, pour se divertir, commencèrent à se le renvoyer l'un à l'autre, comme deux joueurs de pommes qui pelotent une balle. Après qu'ils l'eurent bien ballotté, ils le laissèrent sortir avec l'intendant, qui méritait mieux que lui ses embrassades, et même quelque chose de plus. Lorsque Rodriguez et son âme damnée furent sortis, Don Mathias envoya, par le laquais qui était avec moi dans la chambre, la moitié de ses pistoles à la comtesse de Pedrosa, et serra l'autre dans une longue bourse brochée d'or et de soie qu'il portait ordinairement dans sa poche. Fort satisfait de se revoir en fond, il dit d'un air gai à Don Antonio, « Que ferons-nous aujourd'hui ? Tenons conseil là-dessus. »« C'est parler en homme de bon sens, » répondit Saint-Hélès. « Je le veux bien. Délibérons. » Dans le temps qu'ils allaient rêver à ce qu'ils deviendraient ce jour-là, deux autres seigneurs arrivèrent. C'était Don Alexo Seja et Don Fernand de Gamboa, l'un et l'autre à peu près de l'âge de mon maître, c'est-à-dire de 28 à 30 ans. Ces quatre cavaliers débutèrent par de vives accolades qu'ils se firent. On eût dit qu'ils ne s'étaient point vus depuis 10 ans. Après cela, Don Fernand, qui était un gros réjoui, adressa la parole à Don Mathias et à Don Antonio. « Messieurs, leur dit-il, où dînez-vous aujourd'hui ? Si vous n'êtes point engagés, je vais vous mener dans un cabaret où vous boirez du vin des dieux. J'y ai soupé, et j'en suis sorti ce matin entre 5 et 6 heures. » « Plût au ciel, s'écria mon maître, que j'eusse fait la même chose. Je n'aurais pas perdu mon argent. » « Pour moi, dit Saint-Hélès, je me suis donné hier au soir un divertissement nouveau, car j'aime à changer de plaisir. Aussi n'y a-t-il que la variété des amusements qui rendent la vie agréable. Un de mes amis m'entraîna chez un de ces seigneurs qui lèvent les impôts et font leurs affaires avec celles de l'État. J'y vis de la magnificence, du bon goût, et le repas me parut assez bien entendu. Mais je trouvais dans les maîtres du logis un ridicule qui me réjouit. Le partisan, quoique des plus roturiers de sa compagnie, tranchait du grand. Et sa femme, bien qu'horriblement laide, faisait l'adorable et disait mille sottises assaisonnées d'un accent biscayen qui leur donnait du relief. Ajoutez à cela qu'il y avait à table 4 ou 5 enfants avec un précepteur. Jugez si ce souper de famille me divertit. Et moi, messieurs, dit Don Alex au Cégiar, j'ai soupé chez une comédienne, chez Arsénie. Nous étions 6 à table. Arsénie, Florimonde, avec une coquette de ses amis, le marquis de Zénette, Don Juan de Moncade et votre serviteur. Nous avons passé la nuit à boire et à dire des gueulées. Quelle volupté! Il est vrai qu'Arsénie et Florimonde ne sont pas de grands génies, mais elles ont un usage de débauche qui leur tient lieu d'esprit. Ce sont des créatures enjouées, vives, folles. J'aime mieux cela 100 fois que des femmes raisonnables. Livre 3, chapitre 4. De quelle manière Gil Blas fit connaissance avec les valets des petits maîtres, du secret admirable qu'ils lui enseignèrent pour avoir à peu de frais la réputation d'homme d'esprit, et du serment singulier qu'ils lui firent faire. Ces seigneurs continuèrent à s'entretenir de cette sorte jusqu'à ce que Don Mathias, que j'aidais à s'habiller pendant ce temps-là, fût en état de sortir. Alors il me dit de le suivre, et tous ses petits maîtres prirent ensemble le chemin du cabaret où Don Fernand de Gamboa se proposait de les conduire. Je commençai donc à marcher derrière eux avec 3 autres valets, car chacun de ces cavaliers avait le sien. Je remarquai avec étonnement que ces 3 domestiques copiaient leur maître et se donnaient les mêmes airs. Je les saluai comme leurs nouveaux camarades. Ils me saluèrent aussi, et l'un d'entre eux, après m'avoir regardé quelques moments, me dit « Frère, je vois à votre allure que vous n'avez jamais encore servi de jeune seigneur. »« Hélas non, lui répondis-je, il n'y a pas longtemps que je suis à Madrid. »« C'est ce qu'il me semble, répliqua-t-il. Vous sentez la province. Vous paraissez timide et embarrassé. Il y a de la bourre dans votre action. Mais n'importe, nous vous aurons bientôt dégourdi, sur ma parole. » « Vous me flattez peut-être, lui dis-je. « Non, repartit-il, non. Il n'y a point de sceau que nous ne puissions façonner. Comptez là-dessus. » Il n'eut pas besoin de m'en dire davantage pour me faire comprendre que j'avais pour confrères de bons enfants et que je ne pouvais être en meilleure main pour devenir joli garçon. En arrivant au cabaret, nous y trouvâmes un repas tout préparé que le seigneur Don Fernand avait eu la précaution d'ordonner dès le matin. Nos maîtres se mirent à table et nous nous disposâmes à les servir. Les voilà qui s'entretiennent avec beaucoup de gaieté. J'avais un extrême plaisir à les entendre. Leur caractère, leurs pensées, leurs expressions me divertissaient. Que de feu, que de saillies d'imagination! Ces gens-là me parurent une espèce nouvelle. Lorsqu'on en fut aux fruits, nous leur apportâmes une copieuse quantité de bouteilles des meilleurs vins d'Espagne et nous les quittâmes pour aller dîner dans une petite salle où l'on nous avait dressé une table. Je ne tardai guère à m'apercevoir que les chevaliers de ma quadrille avaient encore plus de mérite que je ne me l'étais imaginé d'abord. Ils ne se contentaient pas de prendre les manières de leur maître, ils en affectaient même le langage. Et ces marauds les rendaient si bien qu'à un air de qualité près, c'était la même chose. J'admirais leur air libre et aisé. J'étais encore plus charmée de leur esprit, et je désespérais d'être jamais aussi agréable qu'eux. Le valet de Don Fernand, attendu que c'était son maître qui régalait les nôtres, fit les honneurs du festin. Et voulant que rien n'y manquât, il appela l'hôte et lui dit « Monsieur le maître, donnez-nous 10 bouteilles de votre plus excellent vin. Et comme vous avez coutume de faire, vous les ajouterez à celles que nos messieurs auront bues. » « Très volontiers, » répondit l'hôte. « Mais, monsieur Gaspard, vous savez que le seigneur Don Fernand me doit déjà bien des repas. Si par votre moyen j'en pouvais tirer quelques espèces... » « Oh, » interrompit le valet, « ne vous mettez point en peine de ce qui vous est dû. Je vous en réponds, moi. C'est de leur embarras que les dettes de mon maître. Il est vrai que quelques discourtois créanciers ont fait saisir nos revenus. Mais nous obtiendrons main levée au premier jour, et nous vous paierons sans examiner le mémoire que vous nous fournirez. » L'hôte nous apporta du vin, malgré les saisies, et nous en bûmes en attendant la main levée. Il fallait voir comme nous nous portions des santé à tout moment, en nous donnant les uns aux autres les surnoms de nos maîtres. Le valet de Don Antonio appelé Gamboa, celui de Don Fernand, et le valet de Don Fernand appelé Saint-Hélès, celui de Don Antonio. Il me nommait de même Silva. Et nous nous enivrions peu à peu, sous ces noms empruntés, tout aussi bien que les seigneurs qui les portaient véritablement. Quoique je fusse moins brillant que mes convives, ils ne laissèrent pas de me témoigner qu'ils étaient assez contents de moi. « Silva, me dit un des plus dessalés, nous ferons quelque chose de toi, mon ami. Je m'aperçois que tu as un fond de génie, mais tu ne sais pas te faire valoir. La crainte de mal parler t'empêche de rien dire au hasard. Et toutefois, ce n'est qu'en hasardant des discours que 1000 gens s'érigent aujourd'hui en beaux esprits. Veux-tu briller ? Tu n'as qu'à te livrer à ta vivacité et risquer indifféremment tout ce qui pourra te venir à la bouche. Ton étourderie passera pour une noble hardiesse. Quand tu débiterais sans impertinence, pourvu qu'avec cela il t'échappe seulement un bon mot, on oubliera les sottises, on retiendra le trait et l'on concevra une haute opinion de ton mérite. C'est ce que pratiquent si heureusement nos maîtres, et c'est ainsi qu'en doit user tout homme qui vise à la réputation d'un esprit distingué. Outre que je ne souhaitais que trop de passer pour un beau génie, le secret qu'on m'enseignait pour y réussir me paraissait si facile que je ne crus pas devoir le négliger. Je l'éprouvai sur le champ, et le vin que j'avais bu rendit l'épreuve heureuse. C'est-à-dire que je parlais à tort et à travers, et que j'eus le bonheur de mêler, parmi beaucoup d'extravagances, quelques pointes d'esprit qui m'attirèrent des applaudissements. Ce coup d'essai me remplit de confiance. Je redoublai de vivacité pour produire quelques bonnes saillies, et le hasard voulut encore que mes efforts ne fussent pas inutiles. « Eh bien, me dit alors celui de mes confrères qui m'avait adressé la parole dans la rue, ne commences-tu pas à te décrasser ? Il n'y a pas 2 heures que tu es avec nous, et te voilà déjà tout autre que tu n'étais. Tu changeras tous les jours à vue d'œil. » Vois ce que c'est que de servir des personnes de qualité. Cela élève l'esprit. Les conditions bourgeoises ne font pas cet effet. Sans doute, lui répondis-je. Aussi, je veux désormais consacrer mes services à la noblesse. C'est fort bien dit, s'écria le valet de Don Fernand entre deux vins. Il n'appartient pas aux bourgeois de posséder des génies supérieurs comme nous. Allons, messieurs, ajouta-t-il. « Faisons serment que nous ne servirons jamais ces gredins-là. Jurons-en par le Styx. » Nous rîmes bien de la pensée de Gaspard. Nous lui applaudîmes, et le verre à la main, nous fîmes tous ce burlesque serment. Nous demeurâmes à table jusqu'à ce qu'il plût à nos maîtres de se retirer. Ce fut à minuit, ce qui parut à mes camarades un excès de sobriété. Il est vrai que ces seigneurs ne sortaient de si bonne heure du cabaret que pour aller chez une fameuse coquette qui logeait dans le quartier de la cour et dont la maison était, nuit et jour, ouverte aux gens de plaisir. C'était une femme de 35 à 40 ans, parfaitement belle encore, amusante et si consommée dans l'art de plaire qu'elle vendait, disait-on, plus cher les restes de sa beauté qu'elle n'en avait vendu les prémices. Il y avait toujours chez elle deux ou trois autres coquettes du premier ordre qui ne contribuaient pas peu au grand concours de seigneurs qu'on y voyait. Ils y jouaient l'après-dîner. Ils soupaient ensuite et passaient la nuit à boire et à se réjouir. Nos maîtres demeurèrent là jusqu'au jour, et nous aussi, sans nous ennuyer. Car tandis qu'ils étaient avec les maîtresses, nous nous amusions avec les servantes. Enfin, nous nous séparâmes tous au lever de l'aurore, et nous allâmes nous reposer chacun de son côté. Mon maître s'étant levé à son ordinaire sur le midi, s'habilla. Il sortit, je le suivis, et nous entrâmes chez Don Antonio Saint-Hélès, où nous trouvâmes un certain Don Alvaro de Aquila. C'était un vieux gentilhomme, un professeur de débauche. Tous les jeunes gens qui voulaient devenir des hommes agréables se mettaient entre ses mains. Il les formait au plaisir, leur enseignait à briller dans le monde et à dissiper leur patrimoine. Il n'appréhendit plus de manger le sien, l'affaire en était faite. Après que ces trois cavaliers se furent embrassés, Saint-Hélès dit à mon maître « Parbleu, Don Mathias, tu ne pouvais arriver ici plus à propos. Don Alvar vient me prendre pour me mener chez un bourgeois qui donne à dîner au marquis de Zenette et à Don Juan de Moncade. Je veux que tu sois de la partie. » « Et comment, dit Don Mathias, nomme-t-on ce bourgeois ?»« Il s'appelle Gregorio de Noriega, dit alors Don Alvar, et je vais vous apprendre en deux mots ce que c'est que ce jeune homme. Son père, qui est un riche joaillier, est allé négocier des pierreries dans les pays étrangers et lui a laissé en partant la jouissance d'un gros revenu. Gregorio est un sot qui a une disposition prochaine à manger tout son bien, qui tranche du petit maître et veut passer pour un homme d'esprit en dépit de la nature. Il m'a prié de le conduire. Je le gouverne. Et je puis vous assurer, messieurs, que je le mène bon train. Le fond de son revenu est déjà bien entamé. Je n'en doute pas, s'écria Saint-Hélès. Je vois le bourgeois à l'hôpital. Allons donc, Mathias, continua-t-il. Faisons connaissance avec cet homme-là. « Et contribuons à le ruiner. »« J'y consens, » répondit mon maître. « Aussi bien j'aime avoir renversé la fortune de ces petits seigneurs roturiers qui s'imaginent qu'on les confond avec nous. »« Rien, par exemple, ne me divertit tant que la disgrâce de ce fils de publicain à qui le jeu et la vanité de figurer avec les grands ont fait vendre jusqu'à sa maison. »« Oh, pour celui-là, » reprit Don Antonio, « il ne mérite pas qu'on le plaigne. » Il n'est pas moins fat dans sa misère qu'il l'était dans sa prospérité. Saint-Hélès et mon maître se rendirent avec Don Alvar chez Gregorio de Noriega. Nous y allâmes aussi, Mojicon et moi, tous deux ravis de trouver une franche lipée et de contribuer de notre part à la ruine du bourgeois. En entrant, nous aperçûmes plusieurs hommes occupés à préparer le dîner. Et ils sortaient des ragoûts qu'ils faisaient une fumée qui prévenait l'odorat en faveur du goût. Le marquis de Zenette et Don Juan de Moncade venaient d'arriver. Le maître du logis me parut un grand benêt. Il affectait en vain de prendre l'allure des petits maîtres. C'était une très mauvaise copie de ses excellents originaux. Ou pour mieux dire, un imbécile qui voulait se donner un air délibéré. Représentez-vous un homme de ce caractère entre cinq railleurs qui avaient tous pour but de se moquer de lui et de l'engager dans de grandes dépenses. « Messieurs, dit Don Alvar après les premiers compliments, je vous donne le seigneur Gregorio de Noriega pour un cavalier des plus parfaits. Il possède 1000 belles qualités. Savez-vous qu'il a l'esprit très cultivé? Vous n'avez qu'à choisir. Il est également fort sur toutes les matières, depuis la logique la plus fine et la plus serrée, jusqu'à l'orthographe. Oh, cela est trop flatteur, interrompit le bourgeois en riant de fort mauvaise grâce. Je pourrais, seigneur Alvaro, vous rétorquer l'argument. C'est vous qui êtes ce qu'on appelle un puits d'érudition. Je n'avais pas dessein, reprit Don Alvar, de m'attirer une louange si spirituelle. Mais en vérité, messieurs, poursuivit-il, le seigneur Gregorio ne saurait manquer de s'acquérir du nom dans le monde. Pour moi, dit Don Antonio, ce qui me charme en lui, et ce que je mets même au-dessus de l'orthographe, c'est le choix judicieux qu'il fait des personnes qu'il fréquente. Au lieu de se borner au commerce des bourgeois, il ne veut voir que de jeunes seigneurs, sans s'embarrasser de ce qui lui en coûtera. Il y a là-dedans une élévation de sentiments qui m'enlève. Et voilà ce qu'on appelle dépenser avec goût et avec discernement. Ces discours ironiques ne firent que précéder 1000 autres semblables. Le pauvre Gregorio fut accommodé de toutes pièces. Les petits maîtres lui lançaient tour à tour des traits dont le sot ne sentait point l'atteinte. Au contraire, il prenait au pied de la lettre tout ce qu'on lui disait. Et il paraissait fort content de ses convives. Il lui semblait même qu'en le tournant en ridicule, il lui faisait encore grâce. Enfin, il leur servit de jouet pendant qu'ils furent à table, et ils y demeurèrent le reste du jour et la nuit tout entière. Nous bûmes à discrétion, de même que nos maîtres, et nous étions bien conditionnés les uns et les autres quand nous sortîmes de chez le bourgeois. Livre 3, chapitre 5. Gil Blas devient homme à bonne fortune. Il fait connaissance avec une jolie personne. Après quelques heures de sommeil, je me levai en bonne humeur. Et me souvenant des avis que Melendez m'avait donnés, j'allais, en attendant le réveil de mon maître, faire ma cour à notre intendant, dont la vanité me parut un peu flattée de l'attention que j'avais à lui rendre mes respects. Il me reçut d'un air gracieux, et me demanda si je m'accommodais du genre de vie des jeunes seigneurs. Je répondis qu'il était nouveau pour moi, mais que je ne désespérais pas de m'y accoutumer dans la suite. Je m'y accoutumai effectivement, et bientôt même. Je changeai d'humeur et d'esprit. De sage et posé que j'étais auparavant, je devins vif, étourdi, turlupin. Le valet de Don Antonio me fit compliment sur ma métamorphose et me dit que, pour être un illustre, il ne me manquait plus que d'avoir de bonnes fortunes. Il me représenta que c'était une chose absolument nécessaire pour achever un joli homme, que tous nos camarades étaient aimés de quelques belles personnes, et que lui, pour sa part, possédait les bonnes grâces de deux femmes de qualité. Je jugeais que le maro montait. « Monsieur Mougicone, lui dis-je, vous êtes sans doute un garçon bien fait et fort spirituel. Vous avez du mérite. Mais je ne comprends pas comment des femmes de qualité, chez qui vous ne demeurez point, ont pu se laisser charmer d'un homme de votre condition. »« Oh, vraiment, me répondit-il, elles ne savent pas qui je suis. C'est sous les habits de mon maître, et même sous son nom, que j'ai fait ces conquêtes. » Voici comment. Je m'habille en jeune seigneur, j'en prends les manières, je vais à la promenade, j'agace toutes les femmes que je vois, jusqu'à ce que j'en rencontre une qui réponde à mes mines. Je suis celle-là et fais si bien que je lui parle. Je me dis « Don Antonio Centilles ». Je demande un rendez-vous. La dame fait des façons. Je la presse. Elle me l'accorde, etc. « C'est ainsi, mon enfant, continua-t-il, que je me conduis pour avoir des bonnes fortunes, et je te conseille de suivre mon exemple. » J'avais trop envie d'être un illustre pour n'écouter pas ce conseil. Outre cela, je ne me sentais point de répugnance pour une intrigue amoureuse. Je formais donc le dessein de me travestir en jeune seigneur pour aller chercher des aventures galantes. Je n'osais me déguiser dans notre hôtel de peur que cela ne fût remarqué. Je pris un bel habillement complet dans la garde-robe de mon maître et j'en fis un paquet que j'emportai chez un petit barbier de mes amis où je jugeais que je pourrais m'habiller et me déshabiller commodément. Là, je me parai le mieux qu'il me fut possible. Le barbier mit aussi la main à mon ajustement. Et quand nous crûmes qu'on n'y pouvait plus rien ajouter, je marchai vers le pré de Saint-Jérôme où j'étais bien persuadée que je ne reviendrais pas sans avoir trouvé quelque bonne fortune. Mais je ne fus pas obligée de courir si loin pour en ébaucher une des plus brillantes. Comme je traversais une rue détournée, je vais sortir d'une petite maison et monter dans un carrosse de louage qui était à la porte, une dame richement habillée et parfaitement bien faite. Je m'arrêtai tout court pour la considérer et je la saluai d'un air à lui faire comprendre qu'elle ne me déplaisait pas. De son côté, pour me faire voir qu'elle méritait encore plus que je ne pensais mon attention, elle leva pour un moment son voile et offrit à ma vue un visage des plus agréables. Cependant, le carrosse partit et je demeurai dans la rue, un peu étourdi de cette apparition. « La jolie figure !» disais-je en moi-même. « Peste, il faudrait cela pour m'achever. Si les deux dames qui aiment Mogicon sont aussi belles que celle-ci, voilà un faquin bien heureux. Je serais charmée de mon sort si j'avais une pareille maîtresse. » En faisant cette réflexion, je jetai les yeux par hasard sur la maison d'où j'avais vu sortir cette aimable personne et j'aperçus à la fenêtre d'une salle basse une vieille femme qui me fit signe d'entrer. Je volai aussitôt dans la maison et je trouvai dans une salle assez propre cette vénérable et discrète vieille qui, me prenant pour un marquis tout au moins, me salua respectueusement et me dit « Je ne doute pas, Seigneur, que vous n'ayez mauvaise opinion d'une femme qui, sans vous connaître, vous fait signe d'entrer chez elle. Mais vous jugerez peut-être plus favorablement de moi quand vous saurez que je n'en use pas de cette sorte avec tout le monde. Vous me paraissez un seigneur de la cour. » « Vous ne vous trompez pas, mamie, » interrompis-je en étendant la jambe droite et penchant le corps sur la hanche gauche. « Je suis, sans vanité, d'une des plus grandes maisons d'Espagne. » « Vous en avez bien la mine, » reprit-elle, « et je vous avouerai que j'aime à faire plaisir aux personnes de qualité. C'est mon faible. Je vous ai observé par ma fenêtre. Vous avez regardé très attentivement, ce me semble, une dame qui vient de me quitter. Vous sentiriez-vous du goût pour elle? Dites-le-moi confidemment. » « Foi d'homme de cour, » lui répondis-je, « elle m'a frappé. Je n'ai jamais rien vu de plus piquant que cette créature-là. Faufilez-nous ensemble, ma bonne, et comptez sur ma reconnaissance. Il fait bon rendre ces sortes de services à nous autres, grand seigneur. Ce ne sont pas ceux que nous payons le plus mal. » « Je vous l'ai déjà dit, » répliqua la vieille, « je suis toute dévouée aux personnes de condition. Je me plais à leur être utile. Je reçois ici, par exemple, certaines femmes que des dehors de vertu empêchent de voir leur galant chez elles. Je leur prête ma maison pour concilier leur tempérament avec la bienséance. « Fort bien, » lui dis-je, « et vous venez apparemment de faire ce plaisir à la dame dont il s'agit. » « Non, » répondit-elle, « c'est une jeune veuve de qualité qui cherche un amant. Mais elle est si délicate là-dessus que je ne sais si vous serez son fait, malgré tout le mérite que vous pouvez avoir. Je lui ai déjà présenté 3 cavaliers bien bâtis qu'elle a dédaignés. » « Oh, parbleu, ma chère !» m'écriai-je d'un air de confiance. « Tu n'as qu'à me mettre à ses trousses. Je t'en rendrai bon compte, sur ma parole. Je suis curieux d'avoir un tête-à-tête avec une beauté difficile. Je n'en ai point encore rencontré de ce caractère-là. » « Eh bien, » me dit la vieille, « vous n'avez qu'à venir ici demain à la même heure. Vous satisferez votre curiosité. » « Je n'y manquerai pas, » lui repartis-je. « Nous verrons si un jeune seigneur peut rater une conquête. » Je retournai chez le petit barbier sans vouloir chercher d'autres aventures et fort impatient de voir la suite de celle-là. Ainsi, le jour suivant, après m'être encore bien ajusté, je me rendis chez la vieille 1 heure plus tôt qu'il ne fallait. « Seigneur, me dit-elle, vous êtes ponctuel, et je vous en sais bon gré. Il est vrai que la chose en vaut bien la peine. J'ai vu notre jeune veuve, et nous nous sommes fort entretenus de vous. » On m'a défendu de parler, mais j'ai pris tant d'amitié pour vous que je ne puis me taire. Vous avez plu, et vous allez devenir un heureux seigneur. Entre nous, la dame est un morceau tout appétissant. Son mari n'a pas vécu longtemps avec elle. Il n'a fait que passer comme une ombre. Elle a tout le mérite d'une fille. La bonne vieille, sans doute, voulait dire d'une de ces filles d'esprit qui savent vivre sans ennui dans le célibat. L'héroïne du rendez-vous arriva bientôt en carrosse de louage, comme le jour précédent, et vêtue de superbes habits. D'abord qu'elle parut dans la salle, je débutai par 5 ou 6 révérences de petits maîtres, accompagnées de leurs plus gracieuses contorsions. Après quoi, je m'approchai d'elle d'un air très familier et lui dis « Ma princesse, vous voyez un seigneur qui en a dans l'aile. Votre image depuis hier s'offre incessamment à mon esprit. Et vous avez expulsé de mon cœur une duchesse qui commençait à y prendre pied. » Le triomphe est trop glorieux pour moi, répondit-elle en ôtant son voile. Mais je n'en ressens pas une joie pure. Un jeune seigneur aime le changement, et son cœur est, dit-on, plus difficile à garder que la pistole volante. Eh, ma reine, repris-je, laissons là, s'il vous plaît, l'avenir. Ne songeons qu'au présent. Vous êtes belle, je suis amoureux. Si mon amour vous est agréable, engageons-nous sans réflexion. Embarquons-nous comme les matelots. N'envisageons point les périls de la navigation. N'en regardons que les plaisirs. En achevant ces paroles, je me jetai avec transport aux genoux de ma nymphe. Et pour mieux irriter les petits maîtres, je la pressai d'une manière pétulante de faire mon bonheur. Elle me parut un peu émue de mes instances. Mais elle ne crut pas devoir s'y rendre encore. Et me repoussant, « Arrêtez-vous, me dit-elle, vous êtes trop vif, vous avez l'air libertin. J'ai bien peur que vous ne soyez un petit débauché. »« Fuis donc, madame, m'écriai-je, pouvez-vous haïr ce qu'aiment les femmes hors du commun? Il n'y a plus que quelques bourgeoises qui se révoltent contre la débauche. » C'en est trop, reprit-elle, je me rends à une raison si forte. Je vois bien qu'avec vous autres, Seigneur, les grimaces sont inutiles. Il faut qu'une femme fasse la moitié du chemin. Apprenez donc votre victoire, ajouta-t-elle avec une apparence de confusion, comme si sa pudeur eût souffert de cet aveu. Vous m'avez inspiré des sentiments que je n'ai jamais eus pour personne, et je n'ai plus besoin que de savoir qui vous êtes pour me déterminer à vous choisir pour mon amant. Je vous crois un jeune seigneur, et même un honnête homme. Cependant, je n'en suis point assurée, et quelque prévenu que je sois en votre faveur, je ne veux pas donner ma tendresse à un inconnu. Je me souvins alors de quelle façon le valet de Don Antonio m'avait dit qu'il sortait d'un pareil embarras, et voulant à son exemple passer pour mon maître, « Madame, dis-je à ma veuve, je ne me défendrai point de vous apprendre mon nom. Il est assez beau pour mériter d'être avoué. Avez-vous entendu parler de Don Mathias de Silva ?»« Oui, répondit-elle. Je vous dirai même que je l'ai vu chez une personne de ma connaissance. » Quoique déjà effrontée, je fus un peu troublée de cette réponse. Je me rassurai toutefois dans le moment. Et faisant force de génie pour me tirer de là, « Eh bien, mon ange, repris-je, vous connaissez un seigneur que je connais aussi. Je suis de sa maison, puisqu'il faut vous le dire. Son aïeul épousa la belle-sœur d'un oncle de mon père. Nous sommes, comme vous voyez, assez proches parents. Je m'appelle Don César. Je suis fils unique de l'illustre Don Fernand de Ribera, qui fut tué il y a 15 ans, dans une bataille qui se donna sur les frontières de Portugal. Je vous ferai bien un détail de l'action. Elle fut diablement vive, mais ce serait perdre des moments précieux que l'amour veut que j'emploie plus agréablement. Je devins pressant et passionné après ce discours, ce qui ne me mena pourtant à rien. Les faveurs que ma déesse me laissa prendre ne servirent qu'à me faire soupirer après celles qu'elle me refusa. La cruelle regagna son carrosse qui l'attendait à la porte. Je ne laissais pas néanmoins de me retirer très satisfait de ma bonne fortune, bien que je ne fusse pas encore parfaitement heureux. « Si, disais-je en moi-même, je n'ai obtenu que des demi-bontés, c'est que madame est une personne qualifiée, qui n'a pas cru devoir céder à mes transports dans une première entrevue. La fierté de sa naissance a retardé mon bonheur, mais il n'est différé que de quelques jours. Il est bien vrai que je me représentais aussi que ce pouvait être une matoise des plus raffinées. Cependant, j'aimais mieux regarder la chose du bon côté que du mauvais, et je conservais l'avantageuse opinion que j'avais conçue de ma veuve. Nous étions convenus, en nous quittant, de nous revoir le surlendemain, et l'espérance de parvenir au comble de mes voeux me donnait un avant-goût des plaisirs dont je me flattais. L'esprit plein des plus riantes images, je me rendis chez mon barbier. Je changeai d'habit et j'allai joindre mon maître dans un tripot où je savais qu'il était. Je le trouvai engagé au jeu et je m'aperçus qu'il gagnait, car il ne ressemblait pas à ces joueurs froids qui s'enrichissent ou se ruinent sans changer de visage. Il était railleur et insolent dans la prospérité et fort bourru dans la mauvaise fortune. Il sortit fort gai du tripot et prit le chemin du théâtre du Prince. Je le suivis jusqu'à la porte de la Comédie. Là, me mettant un ducat dans la main, « Tiens, Gil Blas, me dit-il, puisque j'ai gagné aujourd'hui, je veux que tu t'en ressentes. Va te divertir avec tes camarades et viens me prendre à minuit chez Arsénie, où je dois souper avec Don Alexo Segera. » À ces mots, il rentra, et je demeurai à rêver avec qui je pourrais dépenser mon ducat, selon l'intention du fondateur. Je ne rêvais pas trop longtemps. Clarin, valet de Don Alexo, se présenta tout à coup devant moi. Je le menai au premier cabaret, et nous nous y amusâmes jusqu'à minuit. De là, nous nous rendîmes à la maison d'Arsénie, où Clarin avait ordre aussi de se trouver. Un petit laquais nous ouvrit la porte et nous fit entrer dans une salle basse où la femme de chambre d'Arsénie et celle de Florimonde riaient à gorge déployée en s'entretenant ensemble, tandis que leur maîtresse était en haut avec nos maîtres. L'arrivée de deux vivants qui venaient de bien souper ne pouvait pas être désagréable à des soubrettes, et à des soubrettes de comédiennes encore. Mais quel fut mon étonnement lorsque, dans une de ces suivantes, je reconnus ma veuve, mon adorable veuve, que je croyais comtesse ou marquise. Elle ne parut pas moins étonnée de voir son cher Don César de Libère changer en valet de petit maître. Nous nous regardâmes toutefois l'un l'autre sans nous déconcerter. Il nous prit même à tous deux une envie de rire que nous ne pûmes nous empêcher de satisfaire. Après quoi, Laure, c'est ainsi qu'elle s'appelait, me tirant à part tandis que Clarin parlait à sa compagne, me tendit gracieusement la main et me dit tout bas « Touchez-la, Seigneur Don César. Au lieu de nous faire des reproches réciproques, faisons-nous des compliments, mon ami. Vous avez fait votre rôle à ravir et je ne me suis point mal non plus à quitter du mien. Qu'en dites-vous ? Avouez que vous m'avez prise pour une de ces jolies femmes de qualité qui se plaisent à faire des équipées. » « Il est vrai, lui répondis-je, mais qui que vous soyez, ma reine, je n'ai point changé de sentiment en changeant de forme. Agréez de grâce mes services et permettez que le valet de chambre de Don Mathias achève ce que Don César a si heureusement commencé. » « Va, reprit-elle, je t'aime encore mieux dans ton naturel qu'autrement. Tu es, en homme, ce que je suis, en femme. C'est la plus grande louange que je puisse te donner. Je te reçois au nombre de mes adorateurs. Nous n'avons plus besoin du ministère de la vieille. Tu peux venir ici me voir librement. Nous autres, dames de théâtre, nous vivons sans contrainte et pêle-mêle avec les hommes. Je conviens qu'il y paraît quelquefois, mais le public en rit et nous sommes faites, comme tu sais, pour le divertir. » Nous en demeurâmes là parce que nous n'étions pas seuls. La conversation devint générale, vive, enjouée et pleine d'équivoques clairs. Chacun y mit du sien. La suivante d'Arsénie surtout, mon aimable Laure, brilla fort et fit paraître beaucoup plus d'esprit que de vertu. D'un autre côté, nos maîtres et les comédiennes poussaient souvent de longs éclats de rire que nous entendions, ce qui suppose que leur entretien était aussi raisonnable que le nôtre. Si l'on eût écrit toutes les belles choses qui se dirent cette nuit chez Arsénie, on en aurait, je crois, composé un livre très instructif pour la jeunesse. Cependant, l'heure de la retraite, c'est-à-dire le jour, arriva. Il fallut se séparer. Clara suivit Don Alexo et je me retirai avec Don Mathias. Livre 3, chapitre 6. De l'entretien de quelques seigneurs sur les comédiens de la troupe du prince. Ce jour-là, mon maître, à son lever, reçut un billet de Don Alexo Seria qui lui demandait de se rendre chez lui. Nous y allâmes et nous trouvâmes avec lui le marquis de Zenette et un autre jeune seigneur de bonne mine que je n'avais jamais vu. « Don Mathias, » dit Séjar à mon patron, en lui présentant ce cavalier que je ne connaissais point, « vous voyez Don Pompeio de Castro, mon parent. Il est presque dès son enfance à la cour de Portugal. Il arriva hier au soir à Madrid et il s'en retourne dès demain à Lisbonne. Il n'a que cette journée à me donner. Je veux profiter d'un temps si précieux, et j'ai cru que, pour le lui faire trouver agréable, j'avais besoin de vous et du marquis de Zenette. » Là-dessus, mon maître et le parent de Don Alexo s'embrassèrent et se firent l'un à l'autre force compliments. Je fus très satisfait de ce que dit Don Pompeio. Il me parut avoir l'esprit solide et délié. On dîna chez Séjar, et ses seigneurs, après le repas, jouèrent pour s'amuser jusqu'à l'heure de la comédie. Alors ils allèrent tous ensemble au théâtre du prince voir représenter une tragédie nouvelle qui avait pour titre « La reine de Carthage ». La pièce finie, ils revinrent souper au même endroit où ils avaient dîné. Et leur conversation roula d'abord sur le poème qu'ils venaient d'entendre, ensuite sur les acteurs. « Pour l'ouvrage, s'écria Don Mathias, je l'estime peu. J'y trouve Aîné encore plus fade que dans l'Énéide. Mais il faut convenir que la pièce a été jouée divinement. Qu'en pense le seigneur Don Pompeio? Il n'est pas, ce me semble, de mon sentiment. Messieurs, dit le cavalier en souriant, je vous ai vu tantôt si charmés de vos acteurs, et particulièrement de vos actrices, que je n'oserais vous avouer que j'en ai jugé tout autrement que vous. C'est fort bien fait, interrompit Don Alexo en plaisantant. Vos censures seraient ici fort mal reçues. Respectez nos actrices devant les trompettes de leur réputation. Nous buvons tous les jours avec elles. Nous les garantissons parfaites. Nous en donnerons, si l'on veut, des certificats. Je n'en doute point, lui répondit son parent. Vous en donneriez même de leur vie et mœurs, tant vous me paraissez amis. Vos comédiennes de Lisbonne, dit en riant le marquis de Zenette, sont sans doute beaucoup meilleures. Oui, certainement, répliqua Don Pompeio. Elles valent mieux. Il y en a du moins quelques-unes qui n'ont pas le moindre défaut. Celles-là, reprit le marquis, peuvent compter sur vos certificats. Je n'ai point de liaison avec elles, repartit Don Pompeio. Je ne suis point de leur débauche. Je puis juger de leur mérite sans prévention. En bonne foi, poursuivit-il, croyez-vous avoir eu une troupe excellente? Non, parbleu, dit le marquis, je ne le crois pas, et je ne veux défendre qu'un très petit nombre d'acteurs. J'abandonne tout le reste. Ne conviendrez-vous pas que l'actrice qui a joué le rôle de Didon est admirable? N'a-t-elle pas représenté cette reine avec toute la noblesse et tout l'agrément convenable à l'idée que nous en avons? Et n'avez-vous pas admiré avec quel art elle attache un spectateur et lui fait sentir les mouvements de toutes les passions qu'elle exprime? On peut dire qu'elle est consommée dans les raffinements de la déclamation. Je demeure d'accord, dit Don Pompeio, qu'elle sait émouvoir et toucher. Jamais comédienne n'eut plus d'entrailles et c'est une belle représentation. Mais ce n'est point une actrice sans défaut. Deux ou trois choses m'ont choqué dans son jeu. Veut-elle marquer de la surprise? Elle roule les yeux d'une manière outrée, ce qui sied mal à une princesse. Ajoutez à cela qu'en grossissant le son de sa voix, qui est naturellement doux, elle en corrompt la douceur et forme un creux assez désagréable. D'ailleurs, il m'a semblé, dans plus d'un endroit de la pièce, qu'on pouvait la soupçonner de ne pas trop bien entendre ce qu'elle disait. J'aime mieux pourtant croire qu'elle était distraite que de l'accuser de manquer d'intelligence. À ce que je vois, dit alors Don Mathias au censeur, vous ne seriez pas homme à faire des vers à la louange de nos comédiennes. Pardonnez-moi, répondit Don Pompeo, je découvre beaucoup de talents au travers de leurs défauts. Je vous dirais même que je suis enchantée de l'actrice qui a fait la suivante dans les intermèdes. Le beau naturel, avec quelle grâce elle occupe la scène. A-t-elle quelques bons mots à débiter? Elle l'assaisonne d'un sourire malin et plein de charme, qui lui donne un nouveau prix. On pourrait lui reprocher qu'elle se livre quelquefois un peu trop à son feu et passe les bords d'une honnête hardiesse. Mais il ne faut pas être si sévère. Je voudrais seulement qu'elle se corrigeât d'une mauvaise habitude. Souvent, au milieu d'une scène, dans un endroit sérieux, elle interrompt tout à coup l'action pour céder à une folle envie de rire qui lui prend. Vous me direz que le parterre l'applaudit dans ces moments même. Cela est heureux. Et que pensez-vous des hommes? Interrompit le marquis. Vous devez tirer sur eux à cartouche, puisque vous n'épargnez pas les femmes. Non, dit Don Pompée. J'ai trouvé quelques jeunes acteurs qui promettent, et je suis surtout assez content de ce gros comédien qui a joué le rôle du premier ministre de Didon. Il récite très naturellement, et c'est ainsi qu'on déclame en Portugal. Si vous êtes satisfait de cela, dit Ségiard, vous devez être charmé de celui qui a fait le personnage d'aîné. Ne vous a-t-il pas paru un grand comédien? Un acteur original? Fort original, répondit le censeur. Il a des tons qui lui sont particuliers, et il en a de bien aigus. Presque toujours hors de la nature, il précipite les paroles qui renferment le sentiment, et appuie sur les autres. Il fait même des éclats sur des conjonctions. Il m'a fort diverti. Et particulièrement lorsqu'il exprimait à son confident la violence qu'il se faisait d'abandonner sa princesse. On ne saurait témoigner de la douleur plus comiquement. « Tout beau, cousin !» répliqua Don Alexo. « Tu nous ferais croire, à la fin, qu'on n'est pas de trop bon goût à la cour de Portugal. Sais-tu bien que l'acteur dont nous parlons est un sujet rare? N'as-tu pas entendu les battements de mains qu'il a excités? Cela prouve qu'il n'est pas si mauvais. » « Cela ne prouve rien, » repartit Don Pompeo. « Messieurs, » ajouta-t-il, « laissons là, je vous prie, les applaudissements du parterre. Il en donne souvent aux acteurs fort mal à propos. Il applaudit même plus rarement au vrai mérite qu'au faux, comme fait on nous l'apprend par une fable ingénieuse. Permettez-moi de vous la rapporter. » La voici. Tout le peuple d'une ville s'était assemblé dans une grande place pour voir jouer des pantomimes. Parmi ces acteurs, il y en avait un qu'on applaudissait à chaque moment. Ce bouffon, sur la fin du jeu, voulut fermer le théâtre par un spectacle nouveau. Il parut seul sur la scène, se baissa, se couvrit la tête de son manteau et se mit à contrefaire le cri d'un cochon de lait. Il s'en acquitta de manière qu'on s'imagina qu'il en avait un véritablement sous ses habits. On lui cria de secouer son manteau et sa robe, ce qu'il fit. Et comme il ne se trouva rien dessous, les applaudissements se renouvelèrent avec plus de fureur dans l'assemblée. Un paysan, qui était du nombre des spectateurs, fut choqué de ces témoignages d'admiration. « Messieurs, s'écria-t-il, vous avez tort d'être charmés de ce bouffon. Il n'est pas si bon acteur que vous le croyez. Je sais mieux faire que lui le cochon de lait. Et si vous en doutez, vous n'avez qu'à revenir ici demain, à la même heure. » Le peuple, prévenu en faveur du pantomime, se rassembla le jour suivant en plus grand nombre, et plutôt pour siffler le paysan que pour voir ce qu'ils allaient faire. Les deux rivaux parurent sur le théâtre. Le bouffon commença et fut encore plus applaudi que le jour précédent. Alors, le villageois, s'étant baissé à son tour et enveloppait la tête de son manteau, tira l'oreille à un véritable cochon qu'il tenait sous son bras et lui fit pousser des cris perçants. Cependant, l'assistance ne laissa pas de donner le prix aux pantomimes et chargea de huer le paysan qui, montrant tout à coup le cochon de lait aux spectateurs, « Messieurs, leur dit-il, ce n'est pas moi que vous sifflez, c'est le cochon lui-même. Voyez quel juge vous êtes. » « Cousin, dit Don Alexo, ta fable est un peu vive. Néanmoins, malgré ton cochon de lait, nous n'en démordrons pas. Changeons de matière, poursuivit-il, celle-ci m'ennuie. Tu pars donc demain, quelque envie que j'ai de te posséder plus longtemps ?»« Je voudrais, répondit son parent, pouvoir faire ici un plus long séjour, mais je ne le puis. Je vous l'ai déjà dit, je suis venu à la cour d'Espagne pour une affaire d'État. Je parlais hier en arrivant au Premier ministre. Je dois le voir encore demain matin. Et je partirai un moment après pour m'en retourner à Lisbonne. Te voilà devenu portugais, répliqua Ségéor. Et selon toutes les apparences, tu ne reviendras point demeurer à Madrid. Je crois que non, repartit Don Pompeyo. J'ai le bonheur d'être aimé du roi du Portugal. J'ai beaucoup d'agréments à sa cour. Quelque bonté pourtant qu'il ait pour moi, croiriez-vous que j'ai été sur le point de sortir pour jamais de ces états ? Et par quelle aventure ? Dit le marquis. Contez-nous cela, je vous prie. Très volontiers, répondit Don Pompeyo. Et c'est en même temps mon histoire dont je vais vous faire le récit. Livre 3, chapitre 7. Histoire de Don Pompeyo de Castro. Don Alexo, poursuivit-il, sait qu'au sortir de mon enfance, je voulus prendre le parti des armes, et que voyant notre pays tranquille, j'allais en Portugal. De là, je passai en Afrique avec le duc de Bragance, qui me donna de l'emploi dans son armée. J'étais un cadet des moins riches d'Espagne, ce qui m'imposait la nécessité de me signaler par des exploits qui m'attirassent l'attention du général. Je fis si bien mon devoir que le duc m'avança et me mit en état de continuer le service avec honneur. Après une longue guerre dont vous n'ignorez pas quelle a été la fin, je m'attachai à la cour. Et le roi, sur les bons témoignages que les officiers généraux lui rendirent de moi, me gratifia d'une pension considérable. Sensible à la générosité de ce monarque, je ne perdais pas une occasion de lui en témoigner ma reconnaissance par mon assiduité. J'étais devant lui à toutes les heures où il est permis de se présenter à ses regards. Par cette conduite, je me fis insensiblement aimer de ce prince et j'en reçus de nouveaux bienfaits. Un jour que je me distinguais dans une course de bagues et dans un combat de taureaux qui la précéda, toute la cour loua ma force et mon adresse. Et lorsque, comblé d'applaudissements, je fus de retour chez moi, j'y trouvai un billet par lequel on me mandait qu'une dame, dont la conquête devait plus me flatter que tout l'honneur que je m'étais acquis ce jour-là, souhaitait de m'entretenir, et que je n'avais, à l'entrée de la nuit, qu'à me rendre à certains lieux qu'on me marquait. Cette lettre me fit plus de plaisir que toutes les louanges qu'on m'avait données, et je m'imaginais que la personne qui m'écrivait devait être une femme de la première qualité. Vous jugez bien que je volais au rendez-vous. Une vieille, qui m'y attendait pour me servir de guide, m'introduisit par une petite porte du jardin dans une grande maison et m'enferma dans un riche cabinet en me disant « Demeurez ici. Je vais avertir ma maîtresse de votre arrivée. » J'aperçus bien des choses précieuses dans ce cabinet qu'éclairait une grande quantité de bougies. Mais je n'en considérais la magnificence que pour me confirmer dans l'opinion que j'avais déjà conçue de la noblesse de la dame. Si tout ce que je voyais semblait m'assurer que ce ne pouvait être qu'une personne de premier rang, quand elle parut, elle acheva de me le persuader par son air noble et majestueux. Cependant, ce n'était pas ce que je pensais. « Seigneur cavalier, me dit-elle, après la démarche que je fais en votre faveur, il serait inutile de vouloir vous cacher que j'ai de tendres sentiments pour vous. Le mérite que vous avez fait paraître aujourd'hui devant toute la cour ne me les a point inspirés. Il en précipite seulement le témoignage. Je vous ai vu plus d'une fois. Je me suis informé de vous et le bien qu'on m'en a dit m'a déterminé à suivre mon penchant. Ne croyez pas, poursuivit-elle, avoir fait la conquête d'une duchesse. Je ne suis que la veuve d'un simple officier des gardes du roi. Mais ce qui rend votre victoire glorieuse, c'est la préférence que je vous donne sur un des plus grands seigneurs du royaume. Le duc d'Almeida m'aime et n'épargne rien pour me plaire. Il n'y peut toutefois réussir et je ne souffre ses empressements que par vanité. Quoique je visse bien à ce discours que j'avais affaire à une coquette, je ne laissais pas de savoir bon gré de cette aventure à mon étoile. Doña Hortensia, c'est ainsi que se nommait la dame, était encore dans sa première jeunesse et sa beauté m'éblouit. De plus, on m'offrait la possession d'un cœur qui se refusait aux soins d'un duc. Quel triomphe pour un cavalier espagnol! Je me prosternai aux pieds d'Hortense pour la remercier de ses bontés. Je lui dis tout ce qu'un homme galant pouvait lui dire, et elle eut lieu d'être satisfaite des transports de reconnaissance que je fis éclater. Aussi nous séparâmes-nous tous deux, les meilleurs amis du monde, après être convenus que nous nous verrions tous les soirs que le duc d'Almeida ne pourrait venir chez elle. Ce compromis de me faire savoir très exactement. On n'y manqua pas et je devins enfin l'Adonis de cette nouvelle Vénus. Mais les plaisirs de la vie ne sont pas d'éternelle durée. Quelques mesures que prit la dame pour dérober la connaissance de notre commerce à mon rival, il ne laissa pas d'apprendre tout ce qu'il nous importait fort qu'il ignora. Une servante mécontente le mit au fait. Ce seigneur, naturellement généreux, mais fier, jaloux et violent, fut indigné de mon audace. La colère et la jalousie lui troublèrent l'esprit et, ne consultant que sa fureur, il résolut de se venger de moi d'une manière infâme. Une nuit que j'étais chez Hortense, il vint m'attendre à la petite porte du jardin avec tous ses valets armés de bâtons. Dès que je sortis, il me fit saisir par ces misérables et leur ordonna de m'assommer. « Frappez, leur dit-il, que le téméraire périsse sous vos coups. C'est ainsi que je veux punir son insolence. » Il n'eut pas achevé ces paroles que ces gens m'assaillirent tous ensemble et me donnèrent tant de coups de bâton qu'ils m'étendirent sans sentiment sur la place. Après quoi, ils se retirèrent avec leur maître, pour qui cette cruelle exécution avait été un spectacle bien doux. Je demeurai le reste de la nuit dans l'état où ils m'avaient mis. À la pointe du jour, il passa près de moi quelques personnes qui, s'apercevant que je respirais encore, eurent la charité de me porter chez un chirurgien. Par bonheur, mes blessures ne se trouvèrent pas mortelles, et je tombai entre les mains d'un habile homme qui me guérit en 2 mois parfaitement. Au bout de ce temps, je reparus à la cour et repris mes premières brisées, excepté que je ne retournai plus chez Hortense, qui, de son côté, ne fit aucune démarche pour me revoir, parce que le duc, à ce prix-là, lui avait pardonné son infidélité. Comme mon aventure n'était ignorée de personne et que je ne passais pas pour un lâche, tout le monde s'étonnait de me voir aussi tranquille que si je n'eusse pas reçu un affront. Car je ne disais pas ce que je pensais et semblais n'avoir aucun ressentiment. On ne savait que s'imaginer de ma fausse insensibilité. Les uns croyaient que, malgré mon courage, le rang de l'offenseur me tenait en respect et m'obligeait à dévorer l'offense. Les autres, avec plus de raison, se défiaient de mon silence et regardaient comme un calme trompeur la situation paisible où je paraissais être. Le roi jugea, comme ces derniers, que je n'étais pas homme à laisser un outrage impuni et que je ne manquerais pas de me venger sitôt que j'en trouverais une occasion favorable. Pour savoir s'il devinait ma pensée, il me fit un jour entrer dans son cabinet où il me dit « Don Pompeo, je sais l'accident qui vous est arrivé Et je suis surpris, je l'avoue, de votre tranquillité. Vous dissimulez, certainement. Sire, lui répondis-je, j'ignore qui peut être l'offenseur. J'ai été attaqué la nuit par des gens inconnus. C'est un malheur dont il faut bien que je me console. Non, non, répliqua le roi, je ne suis point la dupe de ce discours peu sincère. On m'a tout dit. Le duc d'Almeida vous a mortellement offensé. Vous êtes noble et Castillan. Je sais à quoi ces deux qualités vous engagent. Vous avez formé la résolution de vous venger. Faites-moi confidence du parti que vous avez pris. Je le veux. Ne craignez point de vous repentir de m'avoir confié votre secret. Puisque votre majesté me l'ordonne, lui repartis-je, il faut donc que je lui découvre mes sentiments. Oui, seigneur, je songe à tirer vengeance de l'affront qu'on m'a fait. Tout homme qui porte un nom pareil au mien en est comptable à sa race. Vous savez l'indigne traitement que j'ai reçu, et je me propose d'assassiner le duc d'Almeida pour me venger d'une manière qui réponde à l'offense. Je lui plongerai un poignard dans le sein ou lui casserai la tête d'un coup de pistolet, et je me sauverai, si je puis, en Espagne. Voilà quel est mon dessein. Il est violent, dit le roi. Néanmoins, je ne saurais le condamner. Après le cruel outrage que le duc d'Almeida vous a fait, il est digne du châtiment que vous lui réservez. Mais n'exécutez pas sitôt votre entreprise. Laissez-moi chercher un tempérament pour vous accommoder tous deux. « Ah, seigneur, m'écriai-je avec chagrin, pourquoi m'avez-vous obligé de vous révéler mon secret? Quel tempérament peut... Si je n'en trouve pas qui vous satisfasse, interrompit-il, vous pourrez faire ce que vous avez résolu. Je ne prétends point abuser de la confidence que vous m'avez faite. Je ne trahirai point votre honneur. Soyez sans inquiétude là-dessus. » J'étais assez en peine de savoir par quel moyen le roi prétendait terminer cette affaire à l'amiable. Voici comment il s'y prit. Il entretint en particulier le duc d'Almeida. « Duc, lui dit-il, vous avez offensé Don Pompeo de Castro. Vous n'ignorez pas que c'est un homme d'une naissance illustre, un cavalier que j'aime et qui m'a bien servi. Vous lui devez une satisfaction. » « Je ne suis pas d'humeur à la lui refuser, répondit le duc. S'il se plaint de mon emportement, je suis prête à lui en faire raison par la voie des armes. » « Il faut une autre réparation, reprit le roi. Un gentilhomme espagnol entend trop bien le point d'honneur pour vouloir se battre noblement avec un lâche assassin. Je ne puis vous appeler autrement. Et vous ne sauriez expier l'indignité de votre action qu'en présentant vous-même un bâton à votre ennemi et qu'en vous offrant à ses coups. « Au ciel !» s'écria le duc. « Et quoi, seigneur ? Vous voulez qu'un homme de mon rang s'abaisse, qu'il s'humilie devant un simple cavalier, et qu'il en reçoive même des coups de bâton ?»« Non, repartit le monarque, j'obligerai Don Pompeo à me promettre qu'il ne vous frappera point. Demandez-lui seulement pardon de votre violence en lui présentant un bâton. C'est tout ce que j'exige de vous. »« Et c'est trop attendre de moi, seigneur, » interrompit brusquement le duc d'Almeida. « J'aime mieux demeurer exposé au trait caché que son ressentiment me prépare. »« Vos jours me sont chers, » dit le roi, « et je voudrais que cette affaire n'eût point de mauvaise suite. Pour la finir avec moins de désagréments pour vous, je serai seul témoin de cette satisfaction que je vous ordonne de faire à l'Espagnol. » Le roi eut besoin de tout le pouvoir qu'il avait sur le duc pour obtenir de lui qu'il fît une démarche si mortifiante. Ce monarque pourtant en vint à bout. Ensuite, il m'envoya chercher. Il me conta l'entretien qu'il venait d'avoir avec mon ennemi et me demanda si je serais content de la réparation dont ils étaient convenus tous deux. Je répondis que oui, et je donnai ma parole que, bien loin de frapper l'offenseur, je ne prendrais pas même le bâton qu'il me présenterait. Cela étant réglé de cette sorte, le duc et moi, nous nous trouvâmes un jour, à certaine heure, chez le roi, qui s'enferma dans son cabinet avec nous. « Allons, dit-il au duc, reconnaissez votre faute et méritez qu'on vous la pardonne. » Alors mon ennemi me fit des excuses et me présenta un bâton qu'il avait à la main. Don Pompeo, me dit le monarque en ce moment, prenez ce bâton, et que ma présence ne vous empêche pas de satisfaire votre honneur outragé. Je vous rends la parole que vous m'avez donnée de ne point frapper le duc. Non, seigneur, lui répondis-je, il suffit qu'il se mette en état de recevoir des coups de bâton. Un Espagnol offensé n'en demande pas davantage. Eh bien, reprit le roi, puisque vous êtes content de cette satisfaction, vous pouvez présentement tous deux suivre la franchise d'un procédé régulier. Mesurez vos épées pour terminer noblement votre querelle. C'est ce que je désire avec ardeur, s'écria le duc d'Almeida d'un ton brusque, et cela seul est capable de me consoler de la honteuse démarche que je viens de faire. À ces mots, il sortit plein de rage et de confusion, et 2 heures après, il m'envoya dire qu'il m'attendait dans un endroit écarté. Je m'y rendis et je trouvai ce seigneur disposé à se bien battre. Il n'avait pas 45 ans, il ne manquait ni de courage ni d'adresse, on peut dire que la partie était égale entre nous. « Venez, Don Pompeo, me dit-il, finissons ici notre différend. Nous devons l'un et l'autre être en fureur, vous du traitement que je vous ai fait et moi de vous en avoir demandé pardon. » En achevant ces paroles, il mit si brusquement l'épée à la main que je n'eus pas le temps de lui répondre. Il me poussa d'abord très vivement, mais j'eus le bonheur de parer tous les coups qu'il me porta. Je le poussai à mon tour. Je sentis que j'avais affaire à un homme qui savait aussi bien se défendre qu'attaquer. Et je ne sais ce qu'il en serait arrivé s'il n'eût pas fait un faux pas en reculant et ne fût tombé à la renverse. Je m'arrêtai aussitôt et dis au duc, « Relevez-vous. » « Pourquoi m'épargner ? » répondit-il. « Votre pitié me fait injure. »« Je ne veux point, lui répliquai-je, profiter de votre malheur. Je ferai tort à ma gloire. Encore une fois, relevez-vous et continuons notre combat. » « Don Pompeo, dit-il en se relevant, après ce trait de générosité, l'honneur ne me permet pas de me battre contre vous. Que dirait-on de moi si je vous perçais le cœur ? Je passerai pour un lâche d'avoir arraché la vie à un homme qui me la pouvait ôter. Je ne puis donc plus m'armer contre vos jours. Et je sens que ma reconnaissance fait succéder de doux transports au mouvement furieux qui m'agitait. Don Pompeo, continua-t-il, cessons de nous haïr l'un l'autre. Passons même plus avant. Soyons amis. Ah, Seigneur, m'écriai-je, j'accepte avec joie une proposition si agréable. Je vous voue une amitié sincère. Et pour commencer à vous en donner des marques, je vous promets de ne plus remettre le pied chez Doña Hortense quand elle voudrait me revoir. C'est moi, dit-il, qui vous cède cette dame. Il est plus juste que je vous l'abandonne, puisqu'elle a naturellement de l'inclination pour vous. Non, non, interrompis-je, vous l'aimez. Les bontés qu'elle aurait pour moi pourraient vous faire de la peine. Je les sacrifie à votre repos. Ah, trop généreux Castillan, reprit le duc en me serrant entre ses bras. « Vos sentiments me charment. Qu'ils produisent de remords dans mon âme. Avec quelle douleur, avec quelle honte, je me rappelle l'outrage que vous avez reçu. La satisfaction que je vous en ai faite dans la chambre du roi me paraît trop légère en ce moment. Je veux mieux réparer cette injure. Et pour en effacer entièrement l'infamie, je vous offre une de mes nièces dont je puis disposer. » C'est une riche héritière qui n'a pas 15 ans et qui est encore plus belle que jeune. Je fis là-dessus au duc tous les compliments que l'honneur d'entrer dans son alliance me put inspirer, et j'épousai sa nièce peu de jours après. Toute la cour félicita ce seigneur d'avoir fait la fortune d'un cavalier qu'il avait couvert d'ignominie, et mes amis se réjouirent avec moi de l'heureux dénouement d'une aventure qui devait avoir une plus triste fin. Depuis ce temps, messieurs, je vis agréablement à Lisbonne. Je suis aimé de mon épouse et j'en suis encore amoureux. Le duc d'Almeida me donne tous les jours de nouveaux témoignages d'amitié et j'ose me vanter d'être assez bien dans l'esprit du roi de Portugal. L'importance du voyage que je fais par son ordre à Madrid m'assure de son estime. Livre 3, chapitre 8. Quel accident obligea Gil Blas à chercher une nouvelle condition ? Telle fut l'histoire que Don Pompeyo raconta et que nous entendîmes, le valet de Don Alexo et moi, bien qu'on eût pris la précaution de nous renvoyer avant qu'il en commençât le récit. Au lieu de nous retirer, nous nous étions arrêtés à la porte que nous avions laissée entr'ouverte, et de là, nous n'en avions pas perdu un mot. Après cela, ces seigneurs continuèrent de boire. Mais ils ne poussèrent pas la débauche jusqu'au jour, attendu que Don Pompeyo, qui devait parler le matin au premier ministre, était bien aise auparavant de se reposer un peu. Le marquis de Zenette et mon maître embrassèrent ce cavalier, lui dirent adieu et le laissèrent avec son parent. Nous nous couchâmes pour le coup avant le lever de l'aurore, et Don Mathias, à son réveil, me chargea d'un nouvel emploi. « Gil Blas, me dit-il, prends du papier et de l'encre pour écrire deux ou trois lettres que je veux te dicter. Je te fais mon secrétaire. » « Bon, dis-je en moi-même, surcroît de fonction. Comme laquais, je suis mon maître partout. Comme valet de chambre, je l'habille. Et j'écrirai sous lui comme secrétaire. Le ciel en soit loué. Je vais, comme la triple éclate, faire trois personnages différents. » « Tu ne sais pas, continua-t-il, quel est mon dessein ? Le voici. Mais sois discret. Il y va de ta vie. » Comme je trouve quelquefois des gens qui me vantent leur bonne fortune, je veux, pour leur dame et le pion, avoir dans mes poches de fausses lettres de femmes que je leur lirai. Cela me divertira pour un moment. Et plus heureux que ceux de mes pareils qui ne font des conquêtes que pour avoir le plaisir de les publier, j'en publierai que je n'aurais pas eu la peine de faire. Mais, ajouta-t-il, déguise ton écriture, de manière que les billets ne paraissent pas tous d'une même main. Je pris donc du papier, une plume et de l'encre, et je me mis en devoir d'obéir à Don Mathias, qui me dicta d'abord un poulet dans ces termes. Vous ne vous êtes point trouvé cette nuit au rendez-vous. Ah, Don Mathias, que direz-vous pour vous justifier? Quelle était mon erreur? Et que vous me punissez bien d'avoir eu la vanité de croire que tous les amusements et toutes les affaires du monde devaient céder au plaisir de voir Doña Clara de Mendoza. » Après ce billet, il m'en fit écrire un autre, comme d'une femme qui lui sacrifiait un prince, et un autre enfin, par lequel une dame lui mandait que, si elle était assurée qu'il fût discret, elle ferait avec lui le voyage de Cythère. Il ne se contentait pas de me dicter de si belles lettres. Il m'obligeait de mettre au bas des noms de personnes qualifiées. Je ne pus m'empêcher de lui témoigner que je trouvais cela très délicat. Mais il me pria de ne lui donner des avis que lorsqu'il m'en demanderait. Je fus obligé de me taire et d'expédier ses commandements. Cela fait, il se leva et je l'ai déshabillé. Il mit les lettres dans ses poches, il sortit ensuite. Je le suivis et nous allâmes dîner chez Don Juan de Moncade, qui régalait ce jour-là cinq ou six cavaliers de ses amis. On y fit grand cher et la joie, qui est le meilleur assaisonnement des festins, régna dans le repas. Tous les convives contribuèrent à égayer la conversation, les uns par des plaisanteries et les autres en racontant des histoires dont ils se disaient les héros. Mon maître ne perdit pas une si belle occasion de faire valoir les lettres qu'il m'avait fait écrire. Il les lut à haute voix et d'un air si imposant qu'à l'exception de son secrétaire, tout le monde peut-être en fut la dupe. Parmi les cavaliers devant qui se faisait effrontément cette lecture, il y en avait un qu'on appelait Don Lope de Velasco. Celui-ci, homme fort grave, au lieu de se réjouir comme les autres des prétendues bonnes fortunes du lecteur, lui demanda froidement si la conquête de Doña Clara lui avait coûté beaucoup. « Moins que rien, lui répondit Don Mathias, elle a fait toutes les avances. Elle me voit à la promenade, je lui plais, on me suit par son ordre, on apprend qui je suis, elle m'écrit et me donne rendez-vous chez elle à 1 heure de la nuit où tout reposait dans sa maison. Je m'y trouvai, on m'introduisit dans son appartement, je suis trop discret pour vous dire le reste. » À ce récit laconique, Le seigneur de Velasco fit paraître une grande altération sur son visage. Il ne fut pas difficile de s'apercevoir de l'intérêt qu'il prenait à la dame en question. « Tous ces billets, dit-il à mon maître en le regardant d'un œil furieux, sont absolument faux, et surtout celui que vous vous vantez d'avoir reçu de Doña Clara de Mendoz. Il n'y a point en Espagne de fille plus réservée qu'elle. Depuis 2 ans, un cavalier qui ne vous cède ni en naissance ni en mérite personnel, mais tout en usage pour s'en faire aimer. À peine en a-t-il obtenu les plus innocentes faveurs. Mais il peut se flatter que, si elle était capable d'en accorder d'autres, ce ne serait qu'à lui seul. Et qui vous dit le contraire ? Interrompit Don Mathias d'un air railleur. Je conviens avec vous que c'est une fille très honnête. De mon côté, je suis un fort honnête garçon. Par conséquent, vous devez être persuadé qu'il ne s'est rien passé entre nous que de très honnête. Ah, c'en est trop, interrompit Don Lope à son tour. Laissons là les railleries. Vous êtes un imposteur. Jamais Doña Clara ne vous a donné de rendez-vous la nuit. Je ne puis souffrir que vous osiez noircir sa réputation. Je suis aussi trop discret pour vous dire le reste. En achevant ces mots, il rompit en visière à toute la compagnie et se retira d'un air qui me fit juger que cette affaire pourrait bien avoir de mauvaises suites. Mon maître, qui était assez brave pour un seigneur de son caractère, méprisa les menaces de Don Lope. Le fat ! S'écria-t-il en faisant un éclat de rire. Les chevaliers errants soutenaient la beauté de leur maîtresse. Il veut, lui, soutenir la sagesse de la sienne. Cela me paraît encore plus extravagant. La retraite de Velasco, à laquelle Moncade avait en vain voulu s'opposer, ne troubla point la fête. Les cavaliers, sans y faire beaucoup d'attention, continuèrent de se réjouir et ne se séparèrent qu'à la pointe du jour suivant. Nous nous couchâmes, mon maître et moi, sur les 5 heures du matin. Le sommeil m'accablait, et je comptais de bien dormir. Mais je comptais sans mon hôte, ou plutôt sans notre portier, qui vint me réveiller 1 heure après pour me dire qu'il y avait à la porte un garçon qui me demandait. « Ah, oh, maudit portier ! » m'écriai-je en bâillant. « Songez-vous que je viens de me mettre au lit tout à l'heure ? Dites à ce garçon que je repose, et qu'il revienne tantôt. » « Il veut, me répliqua-t-il, vous parler en ce moment. Il assure que la chose presse. » À ces mots, je me levai, je mis seulement mon haut de chausse et mon pourpoint, et j'allai, en jurant, trouver le garçon qui m'attendait. « Ami, lui dis-je, apprenez-moi, s'il vous plaît, quelle affaire pressante me procure l'honneur de vous voir de si grand matin. » « J'ai, me répondit-il, une lettre à donner en main propre au seigneur Don Mathias, et il faut qu'il la lise tout présentement. Elle est de la dernière conséquence pour lui. Je vous prie de m'introduire dans sa chambre. » Comme je crus qu'il s'agissait d'une affaire importante, je pris la liberté d'aller réveiller mon maître. « Pardon, lui dis-je, si j'interromps votre repos, mais l'importance, que me veux-tu ? Interrompit-il brusquement. Seigneur, lui dit alors le garçon qui m'accompagnait, c'est une lettre que j'ai à vous rendre de la part de Don Lope de Velasco. Don Mathias prit le billet, l'ouvrit, et après l'avoir lu, dit au valet de Don Lope. Mon enfant, je ne me lèverai jamais avant midi quelque partie de plaisir qu'on me pût proposer. Juge si je me lèverai à 6 heures du matin pour me battre. Tu peux dire à ton maître que, s'il est encore à midi et demi dans l'endroit où il m'attend, nous nous y verrons. Va lui porter cette réponse. » À ces mots, il s'enfonça dans son lit et ne tarda guère à se rendormir. Il se leva et s'habilla fort tranquillement entre 11 heures et midi. Puis il sortit, en me disant qu'il me dispensait de le suivre. Mais j'étais trop tentée de voir ce qu'il deviendrait pour lui obéir. Je marchai sur ses pas jusqu'au près de Saint-Jérôme, où j'aperçus Don Lope de Velasco qui l'attendait de pied ferme. Je me cachai pour les observer tous deux. Et voici ce que je remarquai de loin. Ils se joignirent et commencèrent à se battre un moment après. Leur combat fut long. ils se poussèrent tour à tour l'un l'autre avec beaucoup d'adresse et de vigueur. Cependant, la victoire se déclara pour Dunlop. Il perça mon maître, l'étendit par terre et s'enfuit, fort satisfait de s'être si bien vengé. Je courus au malheureux Don Mathias. Je le trouvai sans connaissance et presque déjà sans vie. Ce spectacle m'attendrit et je ne pus m'empêcher de pleurer une mort à laquelle, sans y penser, j'avais servi d'instrument. Néanmoins, malgré ma douleur, je ne laissai pas de songer à mes petits intérêts. Je m'en retournai promptement à l'hôtel sans rien dire. Je fis un paquet de méhardes où je mis, par mégarde, quelques nippes de mon maître. Et quand j'eus porté cela chez le barbier, où mon habit d'homme à bonne fortune était encore, je répandis dans la ville l'accident funeste dont j'avais été témoin. Je le contai à qui voulut l'entendre, et surtout je ne manquai pas d'aller l'annoncer à Rodriguez. Il en parut moins affligé qu'occupé des mesures qu'il avait à prendre là-dessus. Il assembla ses domestiques, leur ordonna de le suivre, et nous nous rendîmes tous auprès de Saint-Jérôme. Nous enlevâmes Don Mathias, qui respirait encore, mais qui mourut, 3 heures après qu'on l'eut transporté chez lui. Ainsi périt le seigneur Don Mathias de Silva, pour s'être avisé de lire, mal à propos, des billets doux supposés. Livre 3, chapitre 9. Quelle personne il alla servir après la mort de Don Mathias de Silva. Quelques jours après les funérailles de Don Mathias, tous ses domestiques furent payés et congédiés. J'établis mon domicile chez le petit barbier avec qui je commençais à vivre dans une étroite liaison. Je m'y promettais plus d'agrément que chez Melendez. Comme je ne manquais pas d'argent, je ne me hâtais point de chercher une nouvelle condition. D'ailleurs, j'étais devenue difficile sur cela. Je ne voulais plus servir que des personnes hors du commun. Encore avais-je résolu de bien examiner les postes qu'on m'offrirait. Je ne croyais pas le meilleur trop bon pour moi, tant le valet d'un jeune seigneur me paraissait alors préférable aux autres valets. En attendant que la fortune me présentât une maison telle que je m'imaginais la mériter, je pensais que je ne pouvais mieux faire que de consacrer mon oisiveté à ma belle Laure, que je n'avais point vue depuis que nous nous étions si plaisamment détrompés. Je n'osais m'habiller en Don César de Ribera. Je ne pouvais, sans passer pour un extravagant, mettre cet habit que pour me déguiser. Mais, outre que le mien n'avait pas encore l'air trop malpropre, j'étais bien chaussée et bien coiffée. Je me parais donc, à l'aide du barbier, d'une manière qui tenait un milieu entre Don César et Gil Blas. Dans cet état, je me rendis à la maison d'Arsénie. Je trouvai Laure seule dans la même salle où je lui avais déjà parlé. « Ah, c'est vous !» s'écria-t-elle aussitôt qu'elle m'aperçut. « Je vous croyais perdue. Il y a 7 ou 8 jours que je vous ai permis de me venir voir. Vous n'abusez point, à ce que je vois, des libertés que les dames vous donnent. » Je m'excusai sur la mort de mon maître, sur les occupations que j'avais eues, et j'ajoutai fort poliment que, dans mes embarras même, mon aimable Laure avait toujours été présente à ma pensée. « Cela étant, me dit-elle, je ne vous ferai plus de reproches, et je vous avouerai que j'ai aussi songé à vous. D'abord que j'ai appris le malheur de Don Mathias, j'ai formé un projet qui ne vous déplaira peut-être point. Il y a longtemps que j'entends dire à ma maîtresse qu'elle veut avoir chez elle une espèce d'homme d'affaires, un garçon qui entende bien l'économie et qui tienne en registre exact des sommes qu'on lui donnera pour faire la dépense de la maison. J'ai jeté les yeux sur votre seigneurie. Il me semble que vous ne remplirez point mal cet emploi. Je sens, lui répondis-je, que je m'en acquitterai à merveille. J'ai lu les économiques d'Aristote, et pour tenir des registres, c'est mon fort. Mais mon enfant, poursuivis-je, une difficulté m'empêche d'entrer au service d'Arsénie. Quelle difficulté ? Me dit Laure. J'ai juré, lui répliquai-je, de ne plus servir de bourgeois. J'en ai même juré par le Styx. Si Jupiter n'osait violer ce serment, jugez si un valet doit le respecter. Qu'appelles-tu des bourgeois ? Repartit fièrement la soubrette. Pour qui prends-tu les comédiennes ? Les prends-tu pour des avocates ou pour des procureuses ? Oh, sache, mon ami, que les comédiennes sont nobles, archi-nobles, par les alliances qu'elles contractent avec les grands seigneurs. Sur ce pied-là, lui dis-je, mon infante, je puis accepter la place que vous me destinez. Je ne dérogerai point. Non, sans doute, répondit-elle. Passer de chez un petit maître au service d'une héroïne de théâtre, c'est être toujours dans le même monde. Nous allons de pair avec les gens de qualité. Nous avons des équipages comme eux, nous faisons aussi bonne chère, et dans le fond, on doit nous confondre ensemble dans la vie civile. En effet, ajouta-t-elle, à considérer un marquis et un comédien dans le cours d'une journée, c'est presque la même chose. Si le marquis, pendant les trois quarts du jour, est par son rang au-dessus du comédien, le comédien, pendant l'autre quart, s'élève encore davantage au-dessus du marquis, par un rôle d'empereur ou de roi qu'il représente. Cela fait, ce me semble, une compensation de noblesse et de grandeur qui nous égale aux personnes de la cour. Oui, vraiment, répondis-je, vous êtes de niveau, sans contredit, les uns aux autres. Peste, les comédiens ne sont pas des maroufles comme je le croyais, et vous me donnez une forte envie de servir de si honnêtes gens. Eh bien, repartit-elle, tu n'as qu'à revenir dans 2 jours. Je ne te demande que ce temps-là pour disposer ma maîtresse à te prendre. Je lui parlerai en ta faveur. J'ai quelque ascendant sur son esprit. Je suis persuadée que je te ferai entrer ici. Je remerciai Laure de sa bonne volonté. Je lui témoignai que j'en étais pénétrée de reconnaissance, et je l'en assurai avec des transports qui ne lui permirent pas d'en douter. Nous eûmes tous deux un assez long entretien qui aurait encore duré si un petit laquais ne fût venu dire à ma princesse qu'Arsénie l'a demandé. Nous nous séparâmes. Je sortis de chez la comédienne dans la douce espérance d'y avoir bientôt bouche à court, et je ne manquai pas d'y retourner 2 jours après. « Je t'attendais, me dit la suivante, pour t'assurer que tu es commensal dans cette maison. Viens, suis-moi, je vais te présenter à ma maîtresse. » À ces paroles, elle me mena dans un appartement composé de 5 à 6 pièces de plein pied, toutes plus richement meublées les unes que les autres. Quel luxe, quelle magnificence! Je me crus chez une vie sereine, ou, pour mieux dire, je m'imaginais voir toutes les richesses du monde amassées dans un même lieu. Il est vrai qu'il y en avait de plusieurs nations et qu'on pouvait définir cet appartement le temple d'une déesse où chaque voyageur apportait pour offrande quelque rareté de son pays. J'aperçus la divinité assise sur un gros carreau de satin. Je la trouvai charmante et grasse de la fumée des sacrifices. Elle était dans un déshabillé galant et ses belles mains s'occupaient à préparer une coiffure nouvelle pour jouer son rôle ce jour-là. « Madame, lui dit la soubrette, voici l'économe en question. Je puis vous assurer que vous ne sauriez avoir un meilleur sujet. » Arsénie me regarda très attentivement et j'eus le bonheur de ne lui pas déplaire. « Comment donc, Laure ? S'écria-t-elle. « Mais voilà un fort joli garçon. Je prévois que je m'accommoderai bien de lui. » Ensuite, m'adressant la parole. « Mon enfant, ajouta-t-elle, vous me convenez. » Et je n'ai qu'un mot à vous dire. Vous serez content de moi si je le suis de vous. Je lui répondis que je ferai tous mes efforts pour la servir à son gré. Comme je vis que nous étions d'accord, je sortis sur le champ pour aller chercher mes hardes et je revins m'installer dans cette maison. Chapitre 10, qui n'est pas plus long que le précédent. Il était à peu près l'heure de la comédie. Ma maîtresse me dit de la suivre, avec Laure, au théâtre. Nous entrâmes dans sa loge où elle ôta son habit de ville et en prit un autre, plus magnifique, pour paraître sur la scène. Quand le spectacle commença, Laure me conduisit et se plaça près de moi, dans un endroit d'où je pouvais voir et entendre parfaitement bien les acteurs. Ils me déplurent pour la plupart, à cause sans doute de Don Pompeo, qui m'avait prévenu contre eux. On ne laissait pas d'en applaudir plusieurs, et quelques-uns de ceux-là me firent souvenir de la fable du cochon. Laure m'apprenait le nom des comédiens et des comédiennes à mesure qu'ils s'offraient à nos yeux. Elle ne se contentait pas de les nommer. La médisante en faisait de jolis portraits. « Celui-là, disait-elle, a le cerveau creux. Celui-là est un insolent. Cette mignonne que vous voyez et qui a l'air plus libre que gracieux s'appelle Rossarda. Mauvaise acquisition pour la compagnie. On devrait mettre cela dans la troupe qu'on lève par ordre du vice-roi de la Nouvelle-Espagne et qu'on va faire incessamment partir pour l'Amérique. Regardez bien cet astre lumineux qui s'avance, ce beau soleil couchant. C'est Casilda. Si, depuis qu'elle a des amants, elle avait exigé de chacun d'eux une pierre de taille pour en bâtir une pyramide, comme fit autrefois une princesse d'Égypte, elle en pourrait faire élever une qui irait jusqu'au troisième ciel. Enfin, Laure déchira tout le monde par des médisances. À la méchante langue, elle n'épargna pas même sa maîtresse. Cependant, j'avouerai mon faible. J'étais charmée de ma soubrette, quoique son caractère ne fût pas moralement bon. Elle médisait avec un agrément qui me faisait aimer jusqu'à sa malignité. Elle se levait dans les entr'actes pour aller voir si Arsénie n'avait pas besoin de ses services. Mais au lieu de venir promptement reprendre sa place, elle s'amusait derrière le théâtre à recueillir les fleurettes des hommes qui la cajolaient. Je la suivis une fois pour l'observer, et je remarquai qu'elle avait bien des connaissances. Je comptai jusqu'à 3 comédiens qui l'arrêtèrent l'un après l'autre pour lui parler, et ils me parurent s'entretenir avec elle très familièrement. Cela ne me plut point, et pour la première fois de ma vie, je sentis ce que c'est que d'être jaloux. Je retournai à ma place si rêveur et si triste que Laure s'en aperçut aussitôt qu'elle me rejoint. « Qu'as-tu, Gil Blas ? » me dit-elle avec étonnement. « Quelle humeur noire s'est emparée de toi depuis que je t'ai quitté ? Tu as l'air sombre et chagrin. »« Ma princesse, lui répondis-je, ce n'est pas sans raison. Vos allures sont un peu vives. Je viens de vous voir avec des comédiens. »« Ah, le plaisant sujet de tristesse ! » interrompit-elle en riant. « Quoi, cela te fait de la peine ? » « Oh, vraiment, tu n'es pas au bout. Tu verras bien d'autres choses parmi nous. »« Il faut que tu t'accoutumes à nos manières aisées. Point de jalousie, mon enfant. » »« Les jaloux, chez le peuple comique, passent pour des ridicules. Aussi n'y en a-t-il presque point. Les pères, les maris, les frères, les oncles et les cousins sont des gens du monde les plus commodes. Et souvent même, c'est eux qui établissent leur famille. » Après m'avoir exhorté à ne prendre ombrage de personne et à regarder tout tranquillement, elle me déclara que j'étais l'heureux mortel qui avait trouvé le chemin de son cœur. Puis elle m'assura qu'elle m'aimerait toujours uniquement. Sur cette assurance, dont je pouvais douter sans passer pour un esprit trop défiant, je lui promis de ne plus m'alarmer et je lui tins parole. Je la vis dès le soir même s'entretenir en particulier et rire avec des hommes. À l'issue de la comédie, nous nous en retournâmes avec notre maîtresse au logis, où Florimonde arriva bientôt avec 3 vieux seigneurs et un comédien qui y venait souper. Outre Laure et moi, il y avait pour domestiques, dans cette maison, une cuisinière, un cocher et un petit laquais. Nous nous joignîmes tous 5 pour préparer le repas. La cuisinière, qui n'était pas moins habile que la dame Jacinthe, apprêta les viandes avec le cocher. La femme de chambre et le petit laquais mirent le couvert et je dressai le buffet, composé de la plus belle vaisselle d'argent et de plusieurs vases d'or, autres offrandes que la déesse du temple avait reçues. Je le parai de bouteilles de différents vins et je servis des chansons pour montrer à ma maîtresse que j'étais un homme à tout. J'admirai la contenance des comédiennes pendant le repas. Elles faisaient les dames d'importance. Elles s'imaginaient être des femmes du premier rang. Bien loin de traiter d'excellence les seigneurs, elles ne leur donnaient pas même de la seigneurie. Elles les appelaient simplement par leur nom. Il est vrai que c'était eux qui les gâtaient et qui les rendaient si vaines en se familiarisant un peu trop avec elles. Le comédien, de son côté, comme un acteur accoutumé à faire le héros, vivait avec eux sans façon. Il buvait à leur santé et tenait, pour ainsi dire, le haut bout. Parbleu, dis-je en moi-même, quand Laure m'a démontré que le marquis et le comédien sont égaux pendant le jour, elle pouvait ajouter qu'ils le sont encore davantage pendant la nuit, puisqu'ils la passent tout entière à boire ensemble. Arsénie et Florimonde étaient naturellement enjoués. Il leur échappa 1000 discours hardis, entremêlés de menues faveurs et de minauderies qui furent bien savourées par ces vieux pêcheurs. Tandis que ma maîtresse en amusait un par un badinage innocent, son ami, qui se trouvait entre les deux autres, ne faisait point avec eux la Suzanne. Dans le temps que je considérais ce tableau, qui n'avait que trop de charme pour un vieil adolescent, on apporta le fruit. Alors je mis sur la table des bouteilles de liqueur et des verres, et je disparus pour aller souper avec Laure qui m'attendait. « Eh bien, Gil Blas, me dit-elle, que penses-tu de ces seigneurs que tu viens de voir ?»« Ce sont sans doute, lui répondis-je, des adorateurs d'Arsénie et de Florimonde. » »« Non, reprit-elle, ce sont de vieux voluptueux qui vont chez les coquettes sans s'y attacher. Ils n'exigent d'elles qu'un peu de complaisance. » Et ils sont assez généreux pour bien payer les petites bagatelles qu'on leur accorde. Grâce au ciel, Florimonde et ma maîtresse sont à présent sans amants. Je veux dire qu'elles n'ont pas de ces amants qui s'érigent en mari et veulent faire tous les plaisirs d'une maison parce qu'ils en font toute la dépense. Pour moi, j'en suis bien aise et je soutiens qu'une coquette sensée doit fuir ces sortes d'engagements. Pourquoi se donner un maître? Il vaut mieux gagner seul à seul un équipage que de l'avoir tout d'un coup à ce prix-là. » Lorsque Laure était en train de parler, et elle y était presque toujours, les paroles ne lui coûtaient rien. Quelle volubilité de langue! Elle me conta 1000 aventures arrivées aux actrices de la troupe du prince. Et je conclus de tous ses discours que je ne pouvais être mieux placée pour connaître parfaitement les vices. Malheureusement, j'étais dans un âge où ils ne font guère d'horreur. Et il faut ajouter que la soubrette savait si bien peindre les dérèglements que je n'y envisageais que des délices. Elle n'eut pas le temps de m'apprendre seulement la 10e partie des exploits des comédiennes, car il n'y avait pas plus de 3 heures qu'elle en parlait. Les seigneurs et le comédien se retirèrent avec Florimonde, qu'ils conduisirent chez elle. Après qu'ils furent sortis, ma maîtresse me dit, en me mettant de l'argent entre les mains, « Tenez, Gil Blas, voilà 10 pistoles pour aller demain matin à la provision. 5 ou 6 de nos messieurs et de nos dames doivent dîner ici. Ayez soin de nous faire faire bonne chère. » Madame, lui répondis-je, avec cette somme, je promets d'apporter de quoi régaler toute la troupe même. » Mon ami, reprit Arsénie, corrigez, s'il vous plaît, vos expressions. Sachez qu'il ne faut point dire la troupe, il faut dire la compagnie. On dit bien une troupe de bandits, une troupe de gueux, une troupe d'auteurs. Mais apprenez qu'on doit dire une compagnie de comédiens. Les acteurs de Madrid, surtout, méritent bien qu'on appelle leur corps une compagnie. Je demandai pardon à ma maîtresse de m'être servie d'un terme si peu respectueux. Je la suppliai très humblement d'excuser mon ignorance. Je lui protestai que dans la suite, quand je parlerai de messieurs les comédiens de Madrid d'une manière collective, je dirai toujours la compagnie. Livre 3, chapitre 11. Comment les comédiens vivaient ensemble et de quelle manière ils traitaient les auteurs. Je me mis donc en campagne le lendemain matin pour commencer l'exercice de mon emploi d'économe. C'était un jour maigre. J'achetai, par ordre de ma maîtresse, de bons poulets gras, des lapins, des perdreaux et d'autres petits pieds. Comme messieurs les comédiens ne sont pas contents des manières de l'Église à leur égard, ils n'en observent pas avec exactitude les commandements. J'apportai au logis plus de viande qu'il n'en faudrait à 12 honnêtes gens pour bien passer les 3 jours du carnaval. La cuisinière eut de quoi s'occuper toute la matinée. Pendant qu'elle préparait le dîner, Arsénie se leva et demeura jusqu'à midi à sa toilette. Alors les seigneurs Rosimiro et Ricardo, comédiens, arrivèrent. Il survint ensuite deux comédiennes, Constance et Célinora, et un moment après, parut Florimonde, accompagné d'un homme qui avait tout l'air d'un seigneur caballero des plus lestes. Il avait les cheveux galamment noués, un chapeau relevé d'un bouquet de plumes feuilles mortes, un haut de chausse bien étroit, et l'on voyait aux ouvertures de son pourpoint une chemise fine avec une fort belle dentelle. Ses gants et son mouchoir étaient dans la concavité de la garde de son épée, et il portait son manteau avec une grâce toute particulière. Néanmoins, quoiqu'il eût bonne mine et fût très bien fait, je trouvais d'abord en lui quelque chose de singulier. « Il faut, dis-je en moi-même, que ce gentilhomme-là soit un original. » Je ne me trompais point. C'était un caractère marqué. Dès qu'il entra dans l'appartement d'Arsénie, il courut, les bras ouverts, embrasser les actrices et les acteurs l'un après l'autre, avec des démonstrations plus outrées que celles des petits maîtres. Je ne changeai point de sentiment lorsque je l'entendis parler. Il appuyait sur toutes les syllabes et prononçait ses paroles d'un ton emphatique, avec des gestes et des yeux accommodés au sujet. J'eus la curiosité de demander alors ce que c'était que ce cavalier. « Je te pardonne, me dit-elle, ce mouvement curieux. Il est impossible de voir et d'entendre pour la première fois le seigneur Carlos Alonso de la Ventoleria sans avoir l'envie qui te presse. Je vais te le peindre au naturel. Premièrement, c'est un homme qui a été comédien. Il a quitté le théâtre par fantaisie et s'en est depuis repenti par raison. As-tu remarqué ses cheveux noirs ? Ils sont teints aussi bien que ses sourcils et sa moustache. Il est plus vieux que Saturne. Cependant, comme au temps de sa naissance, ses parents ont négligé de faire écrire son nom sur les registres de sa paroisse, il profite de leur négligence et se dit plus jeune qu'il n'est, de 20 bonnes années pour le moins. D'ailleurs, c'est le personnage d'Espagne le plus rempli de lui-même. Il a passé les 12 premiers lustres de sa vie dans une ignorance crasse. Mais pour devenir savant, il a pris un précepteur qui lui a montré à épeler en grec et en latin. De plus, il sait par cœur une infinité de bons contes qu'il a récités tant de fois comme de son cru qu'il est parvenu à se figurer qu'ils en sont effectivement. Il les fait venir dans la conversation et on peut dire que son esprit brille aux dépens de sa mémoire. Au reste, on dit que c'est un grand acteur. Je veux le croire pieusement. Je t'avouerai toutefois qu'il ne me plaît point. Je l'entends quelquefois déclamer ici, et je lui trouve, entre autres défauts, une prononciation trop affectée, avec une voix tremblante qui donne un air antique et ridicule à sa déclamation. Tel fut le portrait que ma soubrette me fit de cet histrion honoraire, et véritablement, je n'ai jamais vu de mortel d'un maintien plus orgueilleux. Il faisait aussi le beau parleur. Il ne manqua pas de tirer de son sac deux ou trois contes qu'il débita d'un air imposant et bien étudié. D'autre part, les comédiennes et les comédiens, qui n'étaient point venus là pour se taire, ne furent pas muets. Ils commencèrent à s'entretenir de leurs camarades absents, d'une manière peu charitable, à la vérité. Mais c'est une chose qu'il faut pardonner aux comédiens comme aux auteurs. La conversation s'échauffa donc contre le prochain. « Vous ne savez pas, mesdames, dit Rosimiro, un nouveau trait de Cesarino, notre cher confrère? Il a ce matin acheté des bas de soie, des rubans et des dentelles qu'il s'est fait apporter à l'assemblée par un petit page, comme de la part d'une comtesse. Quelle friponnerie, dit le seigneur de la Ventoleria, en souriant d'un air fat et vain. De mon temps, on était de meilleure foi. Nous ne songions point à composer de pareilles fables. Il est vrai que les femmes de qualité nous en épargnaient l'invention. Elles faisaient elles-mêmes les emplettes. Elles avaient cette fantaisie-là, parbleu, dit Ricardo du même ton. Cette fantaisie les tient bien encore. Et s'il était permis de s'expliquer là-dessus... Mais il faut taire ces sortes d'aventures, surtout quand les personnes d'un certain rang y sont intéressées. Messieurs, interrompit Florimonde, laissez là de grâce vos bonnes fortunes. Elles sont connues de toute la terre. Parlons d'Isménie. On dit que ce seigneur qui a fait tant de dépenses pour elle vient de lui échapper. Oui, vraiment, s'écria Constance. Et je vous dirai de plus qu'elle perd un petit homme d'affaires qu'elle aurait indubitablement ruiné. Je sais la chose d'original. Son mercure a fait un quiproquo. Il a porté au seigneur un billet qu'elle écrivait à l'homme d'affaires et a remis à l'homme d'affaires une lettre qui s'adressait au seigneur. Voilà de grandes pertes, ma mignonne, reprit Florimonde. Oh, pour celle du seigneur, repartit Constance, elle est peu considérable. Le cavalier a mangé presque tout son bien. Mais le petit homme d'affaires ne faisait que d'entrer sur les rangs. Il n'a point encore passé par les mains des coquettes. C'est un sujet à regretter. Ils s'entretinrent à peu près de cette sorte avant le dîner, et leur entretien roula sur la même matière lorsqu'ils furent à table. Comme je ne finirais point si j'entreprenais de rapporter tous les autres discours pleins de médisance ou de fatuité que j'entendis, le lecteur trouvera bon que je les supprime pour lui conter de quelle façon fut reçu un pauvre diable d'auteur qui arriva chez Arsénie sur la fin du repas. Notre petit laquais vint dire tout haut à ma maîtresse « Madame, un homme en linge sale, crotté jusqu'à l'échine, et qui, sauf votre respect à tout l'heure d'un poète, demande à vous parler. » « Qu'on le fasse monter, » répondit Arsénie. « Ne bougeons pas, messieurs, c'est un auteur. » Effectivement, ça n'était un dont on avait accepté une tragédie et qui apportait un rôle à ma maîtresse. Il s'appelait Pedro de Moya. Il fit en entrant 5 ou 6 profondes révérences à la compagnie, qui ne se leva ni même ne le salua point. Arsénie répondit seulement par une simple inclination de tête aux civilités dont il l'accablait. Il s'avança dans la chambre d'un air tremblant et embarrassé. Il laissa tomber ses gants et son chapeau. Il les ramassa, s'approcha de ma maîtresse et, lui présentant un papier plus respectueusement qu'un plaideur ne présente un placé à son juge, « Madame, lui dit-il, agréez de grâce le rôle que je prends la liberté de vous offrir. » Elle le reçut d'une manière froide et méprisante et ne daigna pas même répondre au compliment. Cela ne rebuta point notre auteur, qui, se servant de l'occasion pour distribuer d'autres personnages, en donna un à Rosimiro et un autre à Florimonde, qui n'en usèrent pas plus honnêtement avec lui qu'Arsénie. Au contraire, le comédien, fort obligeant de son naturel, comme ces messieurs le sont pour la plupart, l'insulta par de piquantes railleries. Pedro de Moya les sentit. Il n'osa toutefois les relever, de peur que sa pièce n'empâtît. Il se retira sans rien dire, mais vivement touché, à ce qu'il me parut, de la réception que l'on venait de lui faire. Je crois que dans son dépit, il ne manqua pas d'apostropher en lui-même les comédiens comme il le méritait. Et les comédiens, de leur côté, quand il fut sorti, commencèrent à parler des auteurs avec beaucoup de courtoisie. « Il me semble, dit Florimonde, que le seigneur Pedro de Moya ne s'en va pas fort satisfait. »« Eh, madame, s'écria Rosimiro, de quoi vous inquiétez-vous? Les auteurs sont-ils dignes de notre attention? Si nous allions de pair avec eux, ce serait le moyen de les gâter. »« Je connais ces petits messieurs, je les connais. Ils s'oublieraient bientôt. Traitons-les toujours en esclaves et ne craignons point de lasser leur patience. » Si leur chagrin les éloigne de nous quelquefois, la fureur d'écrire nous les ramène, et ils sont encore trop heureux que nous voulions bien jouer leur pièce. Vous avez raison, dit Arsénie, nous ne perdons que les auteurs dont nous faisons la fortune. Pour cela, sitôt que nous les avons bien placés, l'aise les gagne, et ils ne travaillent plus. Heureusement, la compagnie s'en console, et le public n'en souffre point. On applaudit à ces beaux discours. et il se trouva que les auteurs, malgré les mauvais traitements qu'ils recevaient des comédiens, leur en devaient encore de reste. Ces histrions les mettaient au-dessous d'eux, et certes, ils ne pouvaient les mépriser davantage. Chapitre 12. Gilles Blas se met dans le goût du théâtre, il s'abandonne aux délices de la vie comique et s'en dégoûte peu de temps après. Les conviés demeurèrent à table jusqu'à ce qu'il fallût aller au théâtre. Alors, ils s'y rendirent tous, je les suivis et je vis encore la comédie ce jour-là. J'y pris tant de plaisir que je résolus de la voir tous les jours. Je n'y manquais pas, et insensiblement je m'accoutumai aux acteurs. Admirez la force de l'habitude. J'ai été particulièrement charmée de ceux qui braillaient et gesticulaient le plus sur la scène, et je n'étais pas seule dans ce goût-là. La beauté des pièces ne me touchait pas moins que la matière dont on les représentait. Il y en avait quelques-unes qui m'enlevaient, et j'aimais, entre autres, celle où l'on faisait paraître tous les cardinaux ou les 12 pairs de France. Je retenais des morceaux de ces poèmes incomparables. Je me souviens que j'appris par cœur, en 2 jours, une comédie entière qui avait pour titre « La reine des fleurs ». La rose, qui était la reine, avait pour confidente la violette et pour écuyer le jasmin. Je ne trouvais rien de plus ingénieux que ces ouvrages qui me semblaient faire beaucoup d'honneur à l'esprit de notre nation. Je ne me contentais pas d'orner ma mémoire des plus beaux traits de ces chefs-d'œuvre dramatiques. Je m'attachais à me perfectionner le goût et, pour y parvenir sûrement, j'écoutais avec une avide attention tout ce que disaient les comédiens. S'ils louaient une pièce, je l'estimais. Leur paraissait-elle mauvaise ? Je la méprisais. Je m'imaginais qu'ils se connaissaient en pièces de théâtre, comme les joailliers en diamants. Néanmoins, la tragédie de Pedro de Moya eut un très grand succès, quoiqu'ils eussent jugé qu'elle ne réussirait point. Cela ne fut pas capable de me rendre leur jugement suspect, et j'aimais mieux penser que le public n'avait pas le sens commun que de douter de l'infaillibilité de la compagnie. Mais on m'assura, de toutes parts, qu'on applaudissait ordinairement les pièces nouvelles dont les comédiens n'avaient pas bonne opinion, et qu'au contraire, celles qu'ils recevaient avec applaudissement étaient presque toujours sifflées. On me dit que c'était une de leurs règles, de juger si mal des ouvrages, et là-dessus, on me cita 1000 succès de pièces qui avaient démenti leur décision. J'eus besoin de toutes ces preuves pour me désabuser. Je n'oublierai jamais ce qui arriva un jour qu'on représentait pour la première fois une comédie nouvelle. Les comédiens l'avaient trouvée froide et ennuyeuse. Ils avaient même jugé qu'on ne l'achèverait pas. Dans cette pensée, ils en jouèrent le premier acte, qui fut fort applaudi. Cela les étonna. Ils jouent le second acte. Le public le reçoit encore mieux que le premier. Voilà mes acteurs déconcertés. Comment diable, dit Rosimiro, cette comédie prend ? Enfin, il joue le troisième acte, qui plut encore davantage. Je n'y comprends rien, dit Ricardo. Nous avons cru que cette pièce ne serait pas goûtée. Voyez le plaisir qu'elle fait à tout le monde. Messieurs, dit alors un comédien fort naïvement, c'est qu'il y a dedans 1000 traits d'esprit que nous n'avons pas remarqués. Je cessai donc de regarder les comédiens comme d'excellents juges, et je devins un juste appréciateur de leurs mérites. Ils justifiaient parfaitement tous les ridicules qu'on leur donnait dans le monde. Je voyais des actrices et des acteurs que les applaudissements avaient gâtés, et qui, se considérant comme des objets d'admiration, s'imaginaient faire grâce au public lorsqu'ils jouaient. J'étais choquée de leurs défauts. Mais par malheur, je trouvais un peu trop à mon gré leur façon de vivre, et je me plongeais dans la débauche. Comment aurais-je pu m'en défendre ? Tous les discours que j'entendais parmi eux étaient pernicieux pour la jeunesse, et je ne voyais rien qui ne contribuât à me corrompre. Quand je n'aurais pas su ce qui se passait chez Casilda, chez Constance et chez les autres comédiennes, la maison d'Arsénie toute seule n'était que trop capable de me perdre. Outre les vieux seigneurs dont j'ai parlé, il y venait des petits maîtres, des enfants de famille, que les usuriers mettaient en état de faire de la dépense. Et quelquefois, on y recevait aussi des traitants, qui, bien loin d'être payés comme dans leurs assemblées pour leur droit de présence, payaient là pour avoir droit d'être présents. Florimonde, qui demeurait dans une maison voisine, dînait et soupait tous les jours avec Arsénie. Elles paraissaient toutes deux dans une union qui surprenait bien des gens. On était étonné que des coquettes fussent en si bonne intelligence, et l'on s'imaginait qu'elles se brouilleraient tôt ou tard pour quelques cavaliers. Mais on connaissait mal ces amies parfaites. Une solide amitié les unissait. Au lieu d'être jalouses comme les autres femmes, elles vivaient en commun. Elles aimaient mieux partager les dépouilles des hommes que de s'en disputer sottement les soupirs. Laure, à l'exemple de ses deux illustres associés, profitait aussi de ses beaux jours. Elle m'avait bien dit que je verrais de belles choses. Cependant, je ne fis point le jaloux. J'avais promis de prendre là-dessus l'esprit de la compagnie. Je dissimulais pendant quelques jours. Je me contentais de lui demander le nom des hommes avec qui je la voyais en conversation particulière. Elle me répondait toujours que c'était un oncle ou un cousin. Qu'elle avait de parents! Il fallait que sa famille fût plus nombreuse que celle du roi Priam. La soubrette ne s'en tenait pas même à ses oncles et à ses cousins. Elle allait encore quelquefois amorcer des étrangers et faire la veuve de qualité chez la bonne vieille dont j'ai parlé. Enfin, Laure, pour en donner au lecteur une idée juste et précise, était aussi jeune, aussi jolie et aussi coquette que sa maîtresse, qui n'avait point d'autre avantage sur elle que celui de divertir publiquement le public. Je cédais au torrent pendant 3 semaines. Je me livrais à toutes sortes de voluptés. Mais je dirais en même temps qu'au milieu des plaisirs, je sentais souvent naître en moi des remords qui venaient de mon éducation et qui mêlaient une amertume à mes délices. La débauche ne triompha point de ces remords. Au contraire, ils augmentaient à mesure que je devenais plus débauchée. Et par un effet de mon heureux naturel, les désordres de la vie comique commencèrent à me faire horreur. « Ah, misérable !» me dis-je à moi-même. « Est-ce ainsi que tu remplis l'attente de ta famille ? N'est-ce pas assez de l'avoir trompé en prenant un autre parti que celui de précepteur ? Ta condition servile te doit-elle empêcher de vivre en honnête homme ? Te convient-il d'être avec des gens si vicieux ? L'envie, la colère et l'avarice règnent chez les uns. La pudeur est bannie de chez les autres. Cela s'abandonne à l'intempérance et à la paresse. Et l'orgueil de cela va jusqu'à l'insolence. C'en est fait. Je ne veux pas demeurer plus longtemps avec les 7 péchés mortels. » Fin du livre 3 de Gildas de Santillane.